Père, tu nous as assemblés ici aujourd'hui pour nous parler. Nous sommes à genoux devant de toi, Père, et nous comptons sur toi. Seigneur, malgré que la chair est faible, nous savons, oh Dieu, que ton esprit est disposé pour nous soutenir. Nous nous prosternons ici dans cette maison, Père de gloire, et nous attendons à toi. Je prie, oh Dieu de gloire, je recommande tes enfants qui sont aussi entre tes mains. Je recommande ses frères entre tes mains. Les conducteurs, Père de gloire, je les recommande entre tes mains. C'est toi qui nous as invités ici, nous nous attendons à toi. Nous prions, oh Dieu de gloire, et nous écoutons, oh Dieu. Nos cœurs sont ouverts au-devant de toi pour écouter ce que tu as à nous dire et nous donner. Merci pour la puissance de ton esprit au milieu de nous. Merci pour toute la porte que tu as ouverte. Merci pour l'eau qui coule depuis ton trône pour déverser sur nous maintenant. Merci pour les cieux qui sont ouverts en ce lieu maintenant. Merci pour tout ce que tu feras dans chacune de nos vies tout à l'heure au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire et soumets cette maison-ci entre tes mains. Partout, au Dieu de gloire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit couvert par toi maintenant, Père, alors que nous sommes tenus ici. Nous prions, au Dieu de gloire. Je prie, Père de gloire, particulièrement que tu aies un regard sur chacun de nous maintenant. Donne à nos cœurs d'être concentrés et de percevoir ce que tu veux pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Mais vous asseoir, bien-aimés. Asseyez-vous sur les canapés. Vous êtes les serviteurs du Seigneur. C'est pas ça, frère Haché. Comment tu me regardes comme ça? Frère, non, c'est ça, non. Frère, il est là au milieu, comme le président Paul Biya. Je vais vous raconter ce que j'ai vu comme songe, parce que ça vous concerne. Mais je ne sais pas pourquoi dire à Olu que le frère Anouk soit au milieu. Et comme ça, vous allez aussi me raconter vos songes. Vous avez prié par rapport à cette rencontre, si. Vous avez prié par rapport à cette rencontre. Mes frères, j'ai prié par rapport à cette rencontre aussi. Et frère, nous, laisse-moi dire que tu parles aussi. Donc, je vais vous raconter ce que j'ai vu. J'ai dit dans un enseignement là que ce que j'ai vu par rapport au conducteur. Je vais donc vous raconter ce que j'ai vu avant qu'on va avancer. Donc, pendant qu'il priait, enfin, avant que l'instruction ne soit donnée, j'ai vu, quand je vous ai vu, on était dans un endroit comme un. Là où on nage là. On appelle ça. Piscine, voilà, une piscine. Vous savez, la piscine. Mais cette piscine était particulière parce qu'il y avait un endroit où, normalement, la piscine est faite de façon rectangulaire, telle enceinte qu'on évacue l'eau en bas quelque part. Il y a une façon pour faire entrer l'eau. Mais cette eau-là avait un endroit comme s'il y avait un petit endroit où, à un moment donné, ça coulait par là-bas. Donc l'eau entrait de quelque part et puis ça coulait là-bas. Maintenant, on était à l'intérieur. Chose étonnante dans ces songes, c'est que, personne n'était en maillot de bain. On était naturel comme ça. Lui, particulièrement, il avait enfilé parce que sa ceinture était là. Tu étais bien en ceinture. C'est dans le, maintenant qu'il explique, il me dit, il demande comment on peut être dans le songe, dans le truc, avec quelqu'un avec le jean et les chaussures. Nageant là-bas, bien repassé. Donc, je veux que vous compreniez l'implication de cela. Alors, on était à l'intérieur. Je veux que vous compreniez bien, que vous saisissez bien le sens. On était à l'intérieur. Je crois que certaines parmi vous, je ne sais pas si c'est le frère Hervé ou si le frère Bob, qui avait peur, il ne voulait pas se lancer dans l'eau. Il s'est tiré, viens ici dans l'eau, va lancer. Il a commencé à nager. Il était bien frais, hein, avec la chaussure bien noire, enfilée. Qu'est-ce que tu pouvais faire dans la piscine avec la chaussure bien arrangée? Et personne ne dérangeait personne. Donc, tout le monde était dans la chaussure. Il y a une personne qui était à moyen de bain comme on torse, nous, chacun était bien habillé, dans la piscine. Subitement, j'ai remarqué dans la piscine, j'ai dit, venez par ici, vous nagez. Il dit que continuez à nager, restez dans la piscine, il ne faut pas que vous quittiez dans cette eau-ci. Vous suivez attentivement. Parce qu'au fur et à mesure, l'eau coulait, ça va, l'autre vient. J'ai remarqué, je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai remarqué que, normalement, dans la piscine est faite, c'est-à-dire qu'il y a l'eau partout. J'ai remarqué que chacun était dans son bloc. C'est-à-dire que, c'est comme si on avait construit un truc comme un endroit dans la piscine où si tu as quelqu'un qui marche, il va marcher sur cette chose-là, mais il y a l'eau. Mais il marche au-dessus, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je peux quitter d'ici, je vais à un autre endroit sans entrer dans l'eau pour nager. Donc, je marche sur ça comme, vous savez, comme un truc, comme une planche qu'on a mis sur l'eau. Mettre comme ça, mais c'était solide. Donc, vous pouvez marcher comme ça là-dessus, traverser comme ça là. Mais le frère Jimmy était dans un coin, il avait mis, il y avait le parpaing, c'était le parpaing, comme s'il avait mis le parpaing là-bas. Et donc, j'ai dit à telle personne, va voir le frère Jimmy, il marche plutôt sur le premier. D'où est-ce que ça s'y sort? Je veux que vous compreniez très attentivement. D'où est-ce que ça s'y sort? J'ai encore vu l'autre aussi faire, ça parle quoi sur le frère Hervé, de ce côté-là. J'ai dit que non, ne faites pas comme ça. Quand ça s'est passé comme ça, à l'instant, pendant qu'il parlait, si vous allez dans la zone du village, des villages, vous allez remarquer que dans la zone de Villa où il y a la nappe d'eau, quand l'eau reste tranquille, il y a souvent un truc brillant qui sort au-dessus. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait le pétrole dans la zone. Il y a un truc brillant. L'eau a commencé à faire comme ça. Pourtant, l'eau était douce et bonne. Et donc, si vous faites comme ça, l'eau va devenir stagnante. Et par conséquent, ça va être ça. Ça sera invivable. Et de casser cela, laissez qu'il y ait la liberté, que tous soyez ensemble. Laissez-vous se entraîner. D'accord? Qu'est-ce que tu peux comprendre comme interprétation, la frère Jimmy? Oui, je suis en train de regarder là. L'eau est comme la parole et qui est censée être le seul moyen par lequel on peut être assemblé. Et maintenant, je vois là la barrière qui montre que chacun de nous avait une façon de prendre la chose, de vouloir conduire dans son angle. Et puis, de cette façon-ci, ça ne peut pas marcher. Parce que, la même eau ne peut pas nous abreuver, nous tous. Elle ne peut pas nous arroser tous. Il faut que ce mur-là quitte. Pour que l'eau qui est là soit pour nous tous. Donc, que personne n'ait une façon de vouloir gérer son don du don. En fait, je regarde ça comme le don du Seigneur. Mm-hmm. Ça doit être général. Frère, nous, tu as quelque chose? J'apprends un peu la chose. Toi, tu nageais là-bas à l'intérieur, sorti, tu voulais même plus sortir. Ce qui me plaît sur lui, c'est qu'il avait enfilé. Tu vois, tu vois le bout de la ceinture là comme ça. Le gars nage dans l'eau comme ça, il se crampait comme ça. Mais en temps normal, est-ce que tu sais nager, frère? Je sais pas, c'est de la nage, mais j'ai commencé à entrer dans l'eau étant l'enfance. Parce que c'est né dans le Mungo. Donc, tu perçois ça comment? Ce que je perçois, c'est que. Seigneur, en quelque sorte, a prévu sa parole dans laquelle il veut nous conduire. Mm-hmm. Nous conduire justement et qu'on soit vraiment plongé dans sa parole. Mm-hmm. Et c'est pour maintenant que dans sa volonté, il ne veut pas qu'il y ait des compartiments, que quelqu'un ait sa manière de pouvoir faire la chose. Peut-être qu'on soit plutôt guidé par cette parole-là de manière commune, qu'on ait la même vision de la parole. Quand j'ai vu. Quand il est sorti, depuis que c'est là, je n'ai pas parlé à quelqu'un, je n'en ai pas interprété, je n'ai pas voulu comprendre. Mais bien que je reçois dans mon esprit, c'est que, donc, en regardant, je regarde. C'est pour ça qu'on m'a raconté ton songe hier. Tu as remarqué que tu as de rire parce qu'il regarde ce qu'il en est avec le songe. Je vois que wow, Dieu est à l'œuvre, vraiment. Vous reconnaissez que Dieu est à l'œuvre, frère? Vous reconnaissez que Dieu est à l'œuvre? Donc, je ne sais pas comment on va commencer, mais on a du temps, on va travailler. Il veut qu'on travaille dans les profondeurs parce que c'est pour eux qu'un de ces jours on ne se rencontre plus comme ça. Mais si Dieu permet, il faut qu'au moins chaque fois un mois on se rencontre. On prie. N'est-ce pas, frère Jimmy? Je veux commencer par toi. Tu as remarqué que chaque fois quand on est à la semaine, quand tu entres, je regarde l'heure, n'est-ce pas? Chaque fois, je regarde l'heure pour regarder chaque fois. Et chaque fois, je remarque que tu es chef retard. Pourtant, tu es conducteur, l'un des conducteurs principaux là-bas. Souvent, je viens une heure avant. Je vois, même souvent, le frère Arnaud vient avant toi. C'est ça, n'est-ce pas? Je remarque que tu viens en retard. Lorsque tu travailles et que tu travailles pour toi-même, tu vas t'arranger. Par exemple, tu vas dire peut-être que tu attends d'autres frères pour venir avec eux. Regarde, j'habite à 27 km de vous, de lieu de prière. Je viens avant toi. Donc, je sais que si j'ai 35 minutes pour rouler avec les embouteillages, je peux rouler. Toi, tu es à quelques kilomètres, quelques kilomètres seulement de là-bas. Donc, ça veut dire que tu dois t'arranger à que les gens soient prêts avant l'heure. Vous n'allez pas attendre que s'il arrive que la prière commence à 16h, à 16h, vous commencez à vous préparer. Toi, étant conducteur. Mais c'est toi qui vas amener les gens. Donc, tu viens, les gens sont assis. Ça, c'est là parce que tu viens aussi, tu entres avec ta femme, avec tes enfants. Et ça, c'est bien. Une fois, deux fois. C'est quoi la question? Pourquoi tu fais ça? Tu vas me donner une justification. Je vais pas poser la question. Pourquoi tu fais cela? Je viens de dire que ce n'est pas bon. Parce que plusieurs fois, je n'étais pas là. Je suis venu plusieurs fois de façon inopinée. Je suis resté là-bas. J'étais dans la chambre là-bas. Personne n'était là. Les gens ne savaient pas. Souvent, ils viennent dans la voiture quelque part d'autre. Parce que c'est que si ils gardent la voiture, parce que quand ils viennent, tu sais que le frère est là. Ils gardent quelque part. Je ne viens pas là-bas. Souvent, on ne savait pas que je suis là-bas. Je suis dans la chambre de l'autre côté là-bas. Je suis tranquillement. Donc, ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit la rigueur dans le timing. Que ça change. On est d'accord, n'est-ce pas? Frère, il y avait la même chose, l'absentéisme à outrance. Si il dit que pourquoi, tu vas dire que parce qu'il y a telle ou telle chose, nous sommes d'accord, non? Tu as remarqué que depuis que tu as commencé à voyager à l'extérieur et autres, non, ça a dévié. Maintenant, nous devons comprendre, c'est pour cela que l'une des choses pour lesquelles nous sommes là, Nous devons comprendre, pour le frère Donatien, c'est autre chose. Parce que l'église qui se réunit dans sa maison, il est, quoi que vous sortiez ici, il faut que je vous donne les différents domaines de travail. Je vous dis les différents domaines, parce que l'une des choses, c'est ça. Parce que, comme je priais pour vous, les différents domaines dans lesquels vous excellez. Et que vous le voulez ou pas maintenant, vous ne pouvez pas sortir ici de même. Vous ne pouvez pas déposer pour ça là-bas. Vous ne pouvez pas sortir ici. Vous ne pouvez pas sortir ici même. Donc, il veut exceller dans ce domaine-là. Pour lui, c'est un chichon de le surveiller depuis le centre. Il le surveillait depuis le centre depuis des années. Il surveillait. Je suis allé même jusqu'au. Le centre. Oui. Quand j'étais en ville. Oui. Et puis je suis rentré jusqu'à. Quand tu étais quoi, dans ton jeune âge au collège, il tentait de regarder les voisins, regarder les voisins des bancs, regarder. Il était surveillé. Jusqu'à voir où il peut t'attraper. Il était attrapé. Donc maintenant on peut travailler. Alors. On va prendre la Bible, on va lire dans la Bible pour que je vous donne certaines instructions selon que Dieu va guider maintenant. D'accord? Pour qu'on soit clair, il faut que vous compreniez maintenant que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Même si vous voudrez fuir maintenant, vous ne pouvez pas fuir. Parce que Dieu compte sur vous. Et si Dieu compte sur vous, sachez donc qu'il y a des comptes à lui rendre. Et chacun de nous va avoir des comptes à lui rendre. C'est pour ça que il faut que je fasse l'effort de transmettre les choses telles quelles pour que je sais que si je ne suis pas là, vous serez à même de conduire comme il le faut. Souvenez-vous de ce bloc-ci sur la piscine. Et je tente de vous dire qu'il ne faut pas que ce soit ainsi. Il ne faut pas que ce bloc-ci soit là. Il faut que ça soit décalé pour que l'eau puisse couler. Pour que la saleté, en gardant comme ça, ça va faire la stagnation. Laissez l'eau couler. D'accord? Ok. Commençons quelque part. Merci Père. Merci Père. Commençons par lui dire, oh, mon Dieu, je vous dis justement, Jean chapitre 21. Si vous allez noter, on va travailler vraiment à fond maintenant. On y va, frère. Vous avez déjà vu combien de fois l'apôtre Paul rend grâce à Dieu de ce qu'il a jugé digne de l'établir prédicateur de l'évangile. Il remercie. Il n'attend pas un salaire de quelqu'un. Mais ce qu'on le récompense, les récompenses qu'il a, ce sont les tribulations, les coups, les fouets, constamment en péril, ainsi de suite, comme il le dit dans ses épîtres. Vous devez comprendre ceci. C'est que ce n'est pas une œuvre humaine. Nous sommes entrés, que vous l'admettez ou non. Comme, par exemple, les disciples avaient demandé au Seigneur Jésus-Christ, dans ces gens, chapitre 4, lorsqu'ils sont venus avec les. Ils sont allés rentrer dans le village, il dit que il a envoyé les disciples moissonner, ils n'ont pas semé. Ils sont entrés dans le champ de la moisson. Donc, vous êtes aussi entrés dans le même territoire où les apôtres. Imaginez donc ceci, quelle grâce qu'il y en a. Vous êtes entrés dans le même territoire que les disciples Ananias, Damas, l'apôtre Paul, Barnabas, Apollos, Jacques, Pierre et les disciples de tous les temps, Irénée. Jean Chrysostome et autres là-bas, tous ceux-là qui sont morts pour le cap, tous ceux-là, vous êtes entrés dans ce même domaine. C'est-à-dire qu'on a passé le flambeau, il faut maintenant aller à la rivière. C'est tombé entre vos mains. La course des Jeux Olympiques, quand on veut faire les Jeux Olympiques, on fait ces flambeaux-là, où ça passe de lieu en lieu. Quelqu'un court, comme la course des relais, on passe à l'autre. Quand celui qui court, il passe, il donne comme ça, son travail est terminé, il peut aller s'habiller, il attend. On attend seulement à ce que ça arrive au final. Nous sommes dans les derniers ouvriers. Vous êtes dans les derniers ouvriers. Le flambeau vous a été passé. Donc, nous devons achever la course. Je veux que vous compreniez l'implication. Et dans cette Bible-ci, on va voir l'implication qu'il en est. Il faut qu'on mesure bien là où on est. Je dis encore que vous n'avez pas le choix. C'est pour cela qu'il faut qu'on règle ces choses pour que désormais que vous compreniez que c'est une mission. L'apôtre Paul dit que malheur à moi s'il n'annonce pas l'évangile. S'il ne prêche pas l'évangile, malheur à lui. Pourquoi? Parce que la responsabilité des hommes est entre ses mains. Il faut qu'on comprenne cela. La responsabilité des hommes est entre ses mains. Il faut pas qu'on. C'est pour ça qu'on va voir toutes ces caractéristiques. C'est pas comment Dieu va faire cela. Il faut qu'on voie toutes ces choses-là pour qu'on comprenne le pourquoi. Le pourquoi, même si tu fais du bien aux gens en tant que prédicateur, que ça, tu ne t'attends pas à ce que les gens te récompensent. Attends-toi à ce que les calomnies sortent, les mensonges en ton nom sortent, les salissures sortent, les vomissures sortent sur ton nom, qu'on dise n'importe quoi de toi. Mais il va falloir que vous compreniez une chose, que ce ne sont pas ces gens qui t'ont appelé, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et il va te demander des comptes. Jean chapitre 21. lisons à partir du verset 15 jusqu'à ce qu'on s'arrête quelque part. Donc quand vous avez des sujets pour noter, au fur et à mesure, je vais donner des versets. Et nous allons lire. Nous commençons par là. Notez aussi Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Matthieu 20, verset 20 à 28. Donc on va aller dans cet ordre-là. D'abord pour les trois. On lit Jean chapitre 21. Ézéchiel 34, Matthieu 20, verset 20 à 28. Et puis on nous laisse le Seigneur nous guider dans ces différents domaines-là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Remarquez que votre jeune âge maintenant. Remarquez d'où vous êtes sortis, chacun de nous ici. La responsabilité que Dieu met entre les mains des jeunes. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on fait les courses des relais, si vous avez remarqué, on met les gens qui sont plus vivaces vers la fin. Vous avez remarqué ça? Les gens qui font le sprint, on les met vers la fin. Pourquoi? Pourquoi, frère? Parce qu'ils ont. On espère qu'ils vont couronner. Parce qu'ils ont plus d'énergie. Ils ont plus d'énergie pour aller rapidement. C'est pour ça qu'on le place là-bas. Ça vous surprend donc que Dieu a ressuscité les jeunes vers la fin? Puisque généralement, on connaissait que l'évangile était pour les vieillards. Les pères, parce qu'on a toujours vu les pères avec les vestes hautes, avec les vieillards, avec les cheveux blancs. Et regardez quelle responsabilité Dieu a mis sur les jeunes, sur la jeunesse. Et par conséquent, sur vous. Et regardez. Je ne sais pas si vous mesurez le prix. S'il y avait possibilité de fuir, je fuirais, mais je ne peux pas fuir. Je dis moi-même parce que, comme je dis souvent à ma femme, je dis que chérie, je ne veux pas. Vous dites, tu ne veux pas prêcher. Il reste ici à la maison un mois. Et tu vois ce que ça passe à l'intérieur. Tu es obligé de sortir. Ce n'est pas quelqu'un ne te gifle pas. Comment on ne te gifle pas. Tu sais que tu dois sortir. Tu n'y sors pas, tu n'es pas en paix. Parce qu'il y a quelque chose qui est déposé que tu dois donner. Alors, un bon conducteur doit servir. Servir et rien que servir doit être votre première devise. Un bon conducteur doit être prêt à servir. Et seulement servir. Un bon conducteur doit servir et rien que servir. Pour que la chose soit bien circonscrite, il n'est pas question de conducteurs de véhicules, de conducteurs séculier. Il s'agit de conducteurs dans la chose de Dieu. Donc ça veut dire que c'est bien orienté, c'est bien canalisé. Et par conséquent, il faut qu'on comprenne bien les termes. Un bon conducteur, un prédicateur doit être là pour servir. Ok. Le deuxième point. Il faut qu'il reconnaisse sa position d'esclave. C'est très important. Le deuxième point est très important. Donc, vous devez reconnaître votre place d'esclave. Vous mettez maintenant, entre parenthèses, du Seigneur Jésus-Christ. Esclave du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que toute la charte, tout ce qu'on va tourner autour de cela. Ceci est très important parce que c'est ça qui a fait que les gens ont fait naufrage. C'est l'une des choses qui a fait que les prédicateurs d'antan ont fait naufrage. Il va falloir que vous compreniez ça, que vous compreniez cette notion-ci du fait que vous et moi, nous sommes esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Et esclave, ce n'est pas au sens de la traite négrière. Ça n'a rien à voir. L'esclave dont il est question, dont nous parlons, ce n'est pas au sens de la traite négrière. Vous savez ce que je veux dire? Esclave ici, ça veut dire, c'est au sens des serviteurs des maisons. Quand on parle que l'esclave, on dit par exemple que Sarah a pris son esclave donné à Abraham. Le mot esclave là, c'est servant, donc quelqu'un qui est censé servir. Alors maintenant, sur ce plan là, comprenant que nous sommes esclaves, c'est-à-dire nous sommes serviteurs, c'est pour ça que je voulais utiliser l'appellation esclave pour que ça ait l'impact. Quand on dit serviteur, on va confondre avec le titre. C'est pour ça que je vais prendre de là pour arriver à toucher ce qu'on a fait du terme serviteur aujourd'hui. Le rôle, notez 1 Corinthiens 7, 22 là, à côté de cela, à côté de merci Père. Entre parenthèses, notez 1 Corinthiens 7, 22, je ne sais pas ce qui est écrit là-bas, c'est venu comme ça. Lisez, quelqu'un. Comment c'est par rapport au mariage? Lis un peu cela, mon frère Donatien, rapidement avant qu'on avance. Tout car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Remarquez, l'esclave qui a été appelé. La chose, c'est avoir été appelé. L'esclave qui a été appelé est un affranchi du Seigneur. On parle de l'esclave maintenant sur le plan du monde. Si tu es esclave dans le monde, quand tu es appelé de Dieu, c'est que Dieu t'a affranchi. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Appelé du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez entendu ça? Donc, si j'étais libre, comme on parle de libre, c'est en contraste avec l'esclave. Parce que dans le monde où tu sais quelqu'un, on dit que tu es esclave. C'est dans le sens, dans l'appellation biblique, tu es son serviteur, comme quelqu'un qui travaillait dans la maison de quelqu'un ou lave le sol. Alors, tu es son esclave. Au sens biblique, il dit esclave, c'est pas au sens de traite négrière. D'accord? Donc, on dit que l'esclave qui a été appelé était un affranchi du Seigneur. De même, celui qui est libre, donc celui qui ne faisait pas cette tâche-là, était un esclave du Seigneur. C'est ce qui est écrit, non? Voilà, merci Père. Donc, c'est venu comme ça. Alors, si quelqu'un donc a été appelé, parce qu'ici, il s'agit d'être appelé. Si quelqu'un a été appelé, la Bible déclare qu'il était un esclave du Seigneur. C'est le mot qui est écrit. C'est pour cela donc que si tu es esclave du Seigneur, la notion doit être comprise avant d'avancer. Un esclave, au sens biblique du terme, c'est quelqu'un qui reçoit de l'ordre de son maître. Ça doit être très bien comprise. Parce que ça a été confondu, il était l'enseigne que les gens ont pris le service du Seigneur comme si c'est un titre pour haranguer les gens, pour soudoyer les gens, pour matraquer les gens, pour dominer sur les gens. Alors, lorsque, maintenant, prenons compte, c'est la définition de l'esclave étant comprise comme ça, lorsque quelqu'un travaille dans la maison d'un patron, est-ce que c'est à la personne de déplacer l'armoire, de choisir des positions de chaises et de l'armoire dans sa maison? Est-ce que quelqu'un qui travaille dans une maison, c'est-à-dire comme gouvernant, comme c'est serviteur de la maison, notre appellation appelle bonne, les bonnes. Est-ce que la bonne peut venir, doit venir ici, changer la position de l'armoire sans demander au patron de la maison? Est-ce qu'il va aller à la cuisine, la position du frigo, enlever le frigo, déposer désormais au salon sans demander au patron? Maintenant, si le patron lui dit, va le faire, est-ce qu'il a discuté avec le patron? Vous comprenez le rôle entre le maître et l'esclave, n'est-ce pas? C'est ainsi nous et le Seigneur Jésus-Christ. Voici notre rôle, voilà notre position réelle. Voilà notre position réelle. Le fait que Christ nous a appelés, c'est déjà une grâce qui nous a appelés. Le fait qu'il te désigne, qu'on serve à son entreprise, c'est davantage encore une grâce. Mais en toile de fond se cache la récompense. Parce que l'esclave sur le plan humain ne travaille pas pour rien. On va toucher au cadre de récompense plus tard dans le développement, d'accord? Mais je veux qu'on se focalise sur un, l'appel, deux, notre rôle. Il faut qu'on comprenne toutes ces choses-là. Il faut que la notion de l'esclave, je crois qu'on a perçu cela. Il faut qu'on comprenne bien le rôle aussi avant d'avancer vraiment avec le Seigneur. Qu'on va comprendre que nous sommes les esclaves. Nous sommes les esclaves et Christ est le maître. Il a dit à ses disciples que vous m'appelez Seigneur et c'est ce que je suis. Nous sommes d'accord? Maintenant, lisons, j'ai donné tout à l'heure Jean chapitre 21, Ézéchiel 34, Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. Donc, commençons par Jean chapitre 21 et suivons cette notion-là. Verset 15 et suivant. Après qu'ils eurent mangé, ça c'est à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Vous avez vu l'appellation là ? Vous avez vu ça, frère ? Le Seigneur Jésus-Christ part d'abord sur le principe du fait que c'est par amour pour lui qu'on peut faire quelque chose qu'il veut. C'est par amour pour lui qu'on peut faire quelque chose qu'il veut. C'est le premier principe qui est écrit là-bas. Il pose d'abord la question, et dans Dieu, il connaît exactement ce qu'il en est. Mais il veut faire ressortir cela sur le cœur pour nous montrer à nous. Il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Donc ça veut dire qu'il peut avoir des équilibres au niveau de l'amour. Donc les gens n'aiment pas le Seigneur Jésus de la même façon. Et il ne parlait pas pour rien à l'apôtre Pierre. Parce que c'est que l'apôtre Pierre avait un amour fou pour le Seigneur. Il était prêt à mourir pour le Seigneur, mais ce n'était pas identique à tous les autres communs disciples. Ce n'était pas comme ça. Alors il pose la question ici à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu plus que de même ceci? Donc les autres disciples sont là. Il veut dire, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus ne dit pas que oui, je sais que tu m'aimes. Ou bien tu ne m'aimes pas comme il le faut. Il dit, alors, paie mes agneaux. Si on aime le Seigneur Jésus, on va faire quoi? Ce sont les agneaux de qui? Il faut qu'on comprenne bien. Ce sont les agneaux de qui, frère? Voilà. Qui est mort pour eux? Notre rôle, c'est de faire quoi? Les perdre. Quelle est la motivation du fait qu'on va perdre cela? L'amour du Seigneur. Ça doit être votre socle. Le motif, la motivation d'impurité, de cupidité ne doit jamais être sur votre cœur. Si c'est sur votre cœur, retirez-vous en aparté jusqu'à ce que Dieu traite cela. Jusqu'à ce que Dieu traite cela. C'est ça qui m'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Il dit bien, c'est ça qui m'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Quand il m'a appelé, il m'a mis à part, il m'a indiqué les choses qui font tomber les serviteurs. Il a dit que veille à travailler là-dessus. Je vous avais dit, et je l'ai dit plusieurs fois, quand il m'a fait sortir du pays, il a dit, Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir du pays? Il ne m'a pas répondu. Plusieurs fois, il ne m'a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il me montre les aspects de ce qu'on pourra faire là-bas. Il a dit, je t'ai appelé sortir de ton pays afin que ce qui va arriver dans ton pays, que vous ne fassiez pas comme ça. Il dit, regarde les abominations qu'ils font en mon nom. Pourquoi Dieu fait cela? Donc, c'est-à-dire que les gens sont en train de citer dans ce pays-là. Ici, le nom de Dieu font des choses, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Dieu dit qu'il faut qu'ils partent là-bas. Je vais. Pourquoi tu m'as appelé, Seigneur, ici? Il dit rien. Deux, trois, il faut penser du jeu dans la parole. Après, il dit, je t'ai fait venir, ça fait que tu vois, suis attentivement, pour que tu vois les abominations qui se font en mon nom, afin que ce qui va commencer dans ton pays, parce que tu fais partie des jeunes que je vais susciter dans cette nation-là, et je t'enverrai des jeunes que tu vas former. C'est ce qu'il a dit. Je t'enverrai les jeunes que tu vas former, que je vais utiliser dans cette nation, pour faire connaître mon nom. C'est ce que Dieu m'a dit. Et donc, fais attention afin que les choses qui se font ici en mon nom, les abominations qui se font en mon nom, que vous ne fassiez pas la même erreur. Vous comprenez pourquoi les gens vont bavarder sur mon nom, il ne doit pas bouger, n'est-ce pas? Parce qu'il veut faire l'effort de faire tel qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, on ne peut pas bouger par là. Et c'est pour cela que je suis obligé de vous montrer comme ça, pour que votre sang aussi quitte de mes mains. Et que plus tard, vous fassiez la même chose. Que la cupidité ne doit pas être... Vous, parmi certains d'entre vous, connaissez comment j'ai commencé, comment j'ai dormi. J'avais un séculeur ou autre là. Et c'est le Dieu du ciel qui a pourvu jusqu'à maintenant. Vous savez vous-même qu'on n'a jamais pris les offrandes, ni les dîmes, ni les offrandes. Vous savez comment Dieu nous nourrit chaque jour. Déjà pendant ces 21 jours de jeûne qu'on a pris, vous avez vu comment Dieu a fait. Comment Dieu vous a nourri. Pourtant, vous vous dépendiez de lui. Comment il a fait pour vous nourrir? Vous n'avez pas fait quelque chose en gardant de la nourriture quelque part en disant que, ok, voici le raisin qu'on mange chaque jour pour la nourriture. Mais chaque jour, n'a-t-il pas pourvu? Vous pensez que la parole de Dieu manque quand il dit qu'il nourrit chaque jour les oiseaux du ciel? À combien fait raison vous? Grave encore, les serviteurs prennent soin. Le maître a intérêt à prendre soin de ses serviteurs parce que s'il est mal, si on est ici dans cette maison-ci, on emploie quelqu'un. La personne a des maux de tête, on ne lui donne pas de comprimés. La personne dit qu'elle a mal au pied, on ne soigne pas. Quand on aura besoin d'aller, que quelqu'un va acheter quelque chose, qui va partir s'il a mal au pied? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, le maître a intérêt à s'occuper de son serviteur afin qu'il soit à même de faire son travail. C'est n'est-ce pas? C'est automatique, c'est le seul automatique. Parce que si le serviteur va mal, le maître automatiquement va mal parce que personne ne pourra faire son travail. Le maître ne peut pas faire ce travail de lui-même parce qu'il est maître. C'est là le rôle du serviteur. Et par conséquent, il doit s'occuper de son serviteur pour que son serviteur soit à même de réaliser le travail. Cette relation-là est liée, on est lié. Et la Bible déclare donc qu'aucune de ses cheveux ne peut tomber sans la volonté de notre Dieu qui est au ciel. Ça, il le dit pour tous les hommes parce qu'il prend soin pour tous les hommes. Mais je prends un cas particulier donc à combien fort raison c'est ses serviteurs. Lorsqu'il a choisi ses disciples, il les a envoyés deux et deux dans ce Matthieu chapitre 10. Plus tard, quand il a dit que quand vous êtes parti la première fois, vous manquez quelque chose. Vous entendez la question du Seigneur. Oh, il les avait envoyés là, dit que ne prenez ni bourse ni habit de rechange. Pas vrai? Il dit, dans quelques maisons, vous allez entrer, demeurez et manger et partir à partir de cette maison. Il dit, car l'ouvrier mérite. Vous avez compris le contexte. Il a dit, parler que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ça veut dire que vous aurez des salaires, ce qui est nécessaire pour vous, pour ce que vous avez, le travail que vous en avez de faire. L'ouvrier mérite son salaire. Pas que tu viennes de prêcher, tu dis aux clients, aux chrétiens, que vous savez que l'ouvrier mérite son salaire. Moi, je vous sers, vous avez des travaux aussi, des vidéos aussi me donner. Ne faites jamais de telles choses, frère. Si vous ne voulez pas le naufrage, ne faites jamais cela. Si vous ne voulez pas être disqualifié, ne faites jamais cela. Que le motif pour lequel vous servez les hommes, les enfants du Seigneur, soit l'amour du Seigneur. C'est bien saisi. Continuons ici. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, ils sont en train de converser. Et l'apôtre Pierre est devant quelqu'un à qui on ne peut rien cacher. Parce qu'au chapitre 16, verset 30 et 33, il a dit que nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'intéresse ou quoi que ce soit. Donc, il ne peut pas dissimuler. S'il a la haine pour le Seigneur, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire que Seigneur, tu sais que je t'aime alors que ce n'est pas vrai. Et le Seigneur ne peut pas lui poser la question pour rien. C'est sur la base de l'amour que tu as pour moi que tu vas faire le travail que tu as pour moi. Remarquez dans 1 Pierre, quand il va finir d'écrire, dans 2 Pierre, il dit que je sais que je la quitterai comme le Seigneur me l'a dit. Comment quelqu'un, un être humain, il dit qu'il l'appelle, il dit que tu vas mourir pour me glorifier. La Bible déclare, je crois que c'est ici. Au verset 20, on dit que Pierre s'est retourné, vit venir après eux. Le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et ayant dit cela, non, c'est le verset 19 que je voulais lire. 19 dit, il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, je sens de faire un saut d'avant pour vous montrer comment l'amour peut conduire quelqu'un jusqu'à la mort. Donc, il a dit à l'apôtre Pierre, que plus tard en bas là-bas, il dit que quand tu étais jeune, tu allais partout où tu es. Quand tu vas être vieux, on va te prendre tes scènes et on va t'amener là où tu ne veux pas. L'apôtre Pierre comprend exactement que ici, là, ça veut dire clairement qu'on va le conduire à la mort. Et cette mort-là est destinée pour glorifier Dieu. Quel amour ça! Et l'apôtre Pierre avait dit que quand il faudra mourir pour toi, je ne te régnerai pas. Et il a raison. Quand il a fallu mourir pour le Seigneur, il n'a pas régné. N'est-ce pas, frère? Alors, l'amour est la motivation. Doit être la motivation. Doit toujours être la motivation pour laquelle nous servons le Seigneur. Et sur cette base-là, Dieu va nous garder. Dieu va pouvoir. Dieu va nous préserver. Dieu va nous donner ses pensées au fur et à mesure que cet amour-là grandit. Parce que plus d'amour, plus nous aimons le Seigneur, plus nous avons la responsabilité. Plus vous allez aimer le Seigneur, plus vous aurez des responsabilités devant de lui. Parce que l'amour pour le Seigneur va impliquer automatiquement les révélations des secrets de Dieu. Vous allez comprendre les intimités de son cœur. Et par conséquent, des fardons vont peser sur vous. Vous allez comprendre comment des gens s'entretuent dans le monde à cause du nom de Dieu. Ça va vous faire mal parce que vous pourrez ressentir ce que Dieu ressent lorsqu'on tire son nom sur la terre. Celui-ci dit que c'est ceci. Grave entre les chrétiens. Quand l'autre dit que celui-ci est un faux, l'autre dit que c'est un faux. Ils utilisent la même Bible. Et que tu connaisses que la position de Dieu, c'est qu'il y ait point de division parmi vous. Tu vas savoir ce que Dieu ressent. Tu vas remarquer effectivement comment tu peux dire la vérité à quelqu'un par amour pour le Seigneur. La personne va te balayer d'un revers de la main. Tu vas savoir ce que Jésus ressent, comment on rejette. Ce que ça veut dire rejet. Donc plus il y a l'amour pour le Seigneur, plus le rejet, plus on comprend la responsabilité. Donc que ceci implique devant le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre, connaissant ces choses-là, il pouvait me dire que vous ne savez pas quelle peine l'église me donne tous les jours. Les insomnies que les églises lui donnent tous les jours. Il reste à Jérusalem, il entend pas, il va à Antioche, il va chercher des gens là-bas, il va à Éphèse. Ce n'est pas son passé, relation familiale. Il dit que ce qui manque au souvent de qu'il a compris, la chef se pousse encore. C'est parce que ça, frère. Pourquoi il le fait? Il dit que je sais déjà des libations. Il sait déjà des libations, les derniers offrandes qu'on verse, les derniers lui qu'on verse sur l'offrande pour présenter à Dieu. Donc même si on fait comme cela, ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur. Et pas comme il aime le Seigneur, il est prêt à mourir. Il est prêt à aller dans les îles pour chercher quelqu'un qui est un enfant du Seigneur pour qu'il entre dans la bergerie. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ ce jour-là comme une vierge pure. Il dit que de même que le serpent séduisait, de même que je crains que vous ayez été séduit à l'égard de Christ. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je l'écris encore en pleurant. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Je vous l'ai dit et je le dis maintenant en pleurant. En pleurant. Regardez, Paul. Tout ce qu'on fait, les photos qu'on montre de lui, ça n'a rien à voir. Quand je l'ai vu, ce n'est pas comme ça qu'il est. Il n'a rien à voir avec ces ressemblances que vous voyez sur les photos-là. L'apôtre Paul dont on parle, je l'ai rencontré. Ça peut choquer. Mais je l'ai rencontré. Il n'a rien à voir avec là-bas. Pour ce qui est de cette rencontre-là, je ne dis absolument rien. C'est pour moi et c'est pour Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul dont les photos que vous voyez là, avec le Congo, le calvétie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'apôtre Paul là-bas. Je l'ai vu. Et on s'est vu. Vous savez la responsabilité que le ciel peut déposer sur les épaules d'un être humain sur la terre. Vous savez la responsabilité que vous pouvez donner, que vous êtes doigté comme ça, vous dites restaurer la doctrine de l'église. Vous savez quelle responsabilité ça peut faire? Vous savez quelle responsabilité ça peut faire que restaurer la doctrine, quand les gens sont bouger comme ça. Dites que la fondation a été posée une fois pour toutes, on ne peut pas philosopher. Aujourd'hui sur le plateau de télévision, un pasteur sort, il dit que pour le mariage, il pense qu'il peut y avoir des divorces. Il essaie de tant bien que mal de défendre avec les versets bibliques. Un autre pasteur se tient là-bas, il défend que non, il n'y a pas de divorce en défendant avec les versets bibliques. Maintenant, on est arrivé à, amener les pensées humaines et les raisonnements humains au niveau de la parole du Seigneur, au point que chacun peut prendre sa position en disant qu'il faut qu'on respecte les positions des uns et des autres. Vous entendez ce que ça peut faire, frère? Ça dit que je dois respecter ta position, ta compréhension de la Bible. Respecter ta compréhension, même que les opinions soient opposées par rapport à la Bible. Il faut qu'on doit respecter cela. Et la Bible déclare que la doctrine des apôtres n'est pas discutable. La Bible nous enseigne cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises des dieux. Ça ne se conteste pas. Pour ce qui concerne la colère en faveur de ceux, agissez-vous comme je l'ai ordonné. Personne n'a jamais dit qu'il est qui pour le dire. On ne comprend pas que c'est l'autorité de Dieu. Les gens ne comprennent pas que c'est l'autorité de Dieu. Et il fait tout et tout pour laisser les petites bribes de révélation. Vous avez reçu la parole, non comme était la parole des hommes, mais comme l'est réellement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous recevez comme la parole réelle de Dieu, ça agit en vous. Pour tes enseignants, il a dit cela. Il dit que les gens qui rejettent ces préceptes ne rejettent pas un homme, mais des dieux. C'est ce qui est écrit, frère. Donc, quand l'apôtre se tient de lui, il a de parler. Vous pensez qu'il y en a de parler? Aujourd'hui, dont les gens viennent raisonner son écriture. Il dit que paix à tout homme qui suivra ses règles et sur l'Israël de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous entendez ce que ça veut dire? Il dit que regardez les révélations que je vous ai écrites en si peu de mots. En suivant ça, vous allez savoir quel mystère j'ai de parler. Si vous le rencontrez, vous saurez de qui il est question. Si vous le rencontrez, il renverserait, sa physionomie renverserait tous les grands prédicateurs d'aujourd'hui. L'apôtre Pierre ici, avec sa rencontre avec le Seigneur après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ en train de vouloir l'envoyer vers ce qu'il avait déjà dit lorsqu'il a rencontré pour la première fois, je te ferai pécheur d'homme. Ici, il parle pécheur, c'est autre chose. Aller prendre quelqu'un comme ça, c'est autre chose. Paître, c'est une autre chose. Paître. Remarquez bien quand il écrit, il dit voici la deuxième qu'il est dans l'une et dans l'autre, je tiens à éveiller votre sainte intelligence. Tant que je serai dans cette chair-ci, quelqu'un qui a l'assurance de là aussi qu'il va partir, vous devrez être comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez aller, vous ne pouvez pas conduire des gens là-bas. Vos prédications seront remplies de l'incertitude. L'esprit ne noindra pas cela pour donner la certitude de cette relation avec le Seigneur dans les gens. Vous devez vous-même savoir de quoi il est question. Suivez ça, frère. Il ne s'agit pas, la prédication ne consiste pas seulement en regardant les vérités bibliques en venant proclamer. La vérité et les vérités bibliques que vous reconnaissez, vous devrez l'admettre. Vous devez y croire. Vous devez vivre cela. Alors si quelque chose n'entre pas, demandez au Seigneur que ça soit vrai pour vous. N'allez pas dire ça aux gens. N'allez pas dire ça aux gens si vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas dire que je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Et puis par derrière, vous allez méditer comme mince. Donc vous pensez que même les musulmans, là, tout le monde va aller à l'enfer. Non, c'est sûr que Dieu a quand même moyen pour eux pour le faire entrer. Alors qu'il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu es en train de chercher les failles et les compromis. Alors tu es en train de vouloir mettre un autre chemin en côté de Seigneur Jésus. Il faut prendre position pour expliquer aux gens que c'est le seul chemin que Dieu a mis pour les hommes, y compris les musulmans. Si quelqu'un veut entrer, il va entrer par là. Si quelqu'un est bouddhiste, il va entrer, il va entrer par là. Si quelqu'un est bamileki, il fait l'équipe des crânes, il doit entrer par là. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est le seul chemin pour les chrétiens. C'est ça, frère. Il a dit que c'est le chemin, la vérité, la vie. Pour quiconque vient au Père, c'est par là. C'est pas ça. Donc il n'a pas dit K1 les chrétiens, K2 les juifs. Il a dit que c'est quiconque entre par là. Donc l'accès, donc, c'est pas là-bas. Donc je prends cet exemple pour dire, vous êtes berger, vous êtes conducteur, vous devez croire ce que vous prêchez. N'allez pas croire, prêcher sur la guérison divine si vous n'avez pas encore expérimenté. Vous pouvez avoir l'intelligence de ce que Jésus a guéri et mettre les versets ensemble en disant qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous n'avez pas encore expérimenté, ne prêchez pas ça. Ne prêchez pas. Vérifiez d'abord que c'est vrai. Parce que vous devez être un témoignage. Sinon, vous allez en effet porter un faux témoignage sur Dieu. Vous me suivez? Vérifiez que la parole de Dieu est vraie pour vous. Avancez maintenant avec cela. Sachant que vous avancez avec quelque chose de sûr. Si ce n'était pas ça, j'aurais abandonné cela depuis. J'aurais abandonné cette idée parce que je sais que la parole est vraie. Je sais que ça marche. Et vous savez vous-même là que ça marche pour chacun de vous ici. Vous savez ce qu'il a fait au travers de ces paroles-ci. Vous devez avoir ça comme socle pour vous appuyer et avancer. Vous suivez, frère? Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux, nourris-les. Transmets-les mon amour. Sur cette base de l'amour-là, explique-leur ce qui me concerne. Donne de la bonne nourriture. Préserve-les pour moi. Sur cette base de l'amour-là, fais ce travail pour moi. Paie mes agneaux. Remarquez comment le Seigneur est sorti du monde. son objectif, c'est toujours ces gens-là. Donc vous devez comprendre. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit que vous êtes le champ de Dieu. Il s'adresse aux chrétiens. Donc les chrétiens, faites attention à ce qu'on n'entre pas dans la bonne doctrine, qu'on fait autre chose. On ne doit pas prendre la propriété comme si c'était la nôtre. On ne peut pas aller dans un champ, vous louer pour s'aimer, et puis plus tard commencer à mettre les bornes là-bas pour construire là-bas. Alors que la personne vous a seulement donné le champ. Vous savez comment les gens font là. Petit à petit, on te donne un champ que tu travailles ici. Vous dites comme ça, Dieu, 5, 6 ans, vous commencez à mettre les bornes là-bas comme c'était pour vous. Si on vous a donné un champ et que vous devez seulement débrousser là-bas, débrousser, faites ce que vous avez donné. Vous avez dit, on te donne le champ pour que tu sèmes, sème. Si on a donné une portion que tu construis, construis, ne commence pas à avancer. Donc, les limites doivent être bien comprises. Le but doit être bien compris. L'appel doit être bien saisi. Et la destinée. Il faut qu'on comprenne où on en est allé. Il dit donc qu'il faut que vous assimiliez d'abord vous-même en tant que conducteur ce que Dieu attend de vous. Et Dieu merci, c'est soit vous allez assimiler. On ne finit pas cette Bible ici jusqu'à ce que le sang finit avec moi dans le ventre. Je ne vous laisserai pas. Vous ne rentrerez pas. Donc nous devons comprendre ici le rôle. Ce qui attend les conducteurs, ce qu'on ne doit pas faire. Parce que si on ne comprend pas ce qui a fait chuter les autres, pour pouvoir savoir comment ils marchaient, vous allez toujours faire la même chose, vous allez faire un naufrage. N'ayez jamais le regard sur quelqu'un qui est tombé, sauf si vous voulez regarder cette personne-là, c'est là où il est tombé pour pouvoir éviter. Ne regardez pas cette façon-là pour pouvoir vous moquer, non. Regardez pour apprendre. Regardez pour apprendre. Observez pour apprendre. Les personnages de la Bible sont mis là pour que nous apprenions les bons et les mauvais côtés. Les bons côtés pour imiter et avancer. Les mauvais pour éviter de tomber comme ça. C'est pour cela que les deux sont mis dans la Bible. Donc ils disent, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Père, mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 21. Il lui dit pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais quoi? Donc, gardons encore cela. Soulignez, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il dit ça au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus n'a pas regimbé ici en disant que c'est le mensonge. Trois fois, Jésus lui a posé la question au sujet de son amour. Pierre, tu veux penser que l'amour qui est dans ton cœur pour moi, là, tu penses que c'est pourquoi? Il dit, tu sais toutes choses. Donc, mesurons encore une fois la compréhension de ceci. Ceci veut dire que la personne qui vous a appelé à son service, c'est quoi? Donc, vous ne pouvez rien lui cacher. Ça veut dire que si vous vous retrouvez sur le territoire où il y a ses enfants, et vous allez faire des choses par jonglerie, et enfin, vous montez, vous descendez, essayez de faire ça, mais vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu va faire, parce qu'il va descendre. Il va descendre pleinement dans l'église. Et quand il va descendre, ça va sortir de la bouche de quelqu'un là-bas. Pam, tu vis dans l'iniquité. Pam, tu as dit, fais tes choses. Pam, tu as ton plan, c'est ceci. Là, chacun va prendre sa place tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention. Il faut être clair pour que si l'Esprit de Dieu a prophétisé, qu'il te prophétise, ce serviteur marche sur la voie intègre, soit Dieu voit ton cœur, avance sur ce chemin-là, pour que ça te réjouisse, ça t'encourage. Mais pas que tu as découvert quelque chose dans le noir où tu ne veux pas que quelqu'un sache et que ça te dénonce comme ça en pleine assemblée. Ça veut dire que ça ne serait pas bon, n'est-ce pas? Alors, il dit ici, tu sais toute chose. Je veux que vous compreniez l'implication. L'implication, c'est que la personne que nous sommes en train de dire, à qui nous croyons et que nous servons, c'est la personne qui sait toute chose et donc rien ne peut lui être caché. Et par conséquent, il ne faut pas qu'on utilise dans l'hypocrisie pour le servir. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas un homme que nous servons. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui dont il est question. Celui qui sait toutes choses. Donc, en posant la question à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? C'est la même question quand il était dans l'esprit, qu'elle a posé à Adam. Où es-tu? Quand il pose la question à Adam, où es-tu? Il savait où Adam se trouvait. N'est-ce pas? As-tu mangé de là dont je t'avais été de manger? Il savait qu'il avait mangé. La question, c'est pour susciter quelque chose en lui et pour donner l'information plus tard aux gens qui vont lire. Il sait. M'aimes-tu? L'apôtre Pierre fils a testé les faits qu'il lui demande pour la troisième fois. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Il lui répond. Là, le Seigneur dit, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père, mes brebis. Amen. Trois fois, Jésus a demandé s'il l'aime pour insister sur l'amour, pour dire, il faut prendre le socle d'abord, vérifier d'abord que tu aimes le Seigneur et que l'amour du Seigneur doit être la motivation pour le servir. Et le but ultime du chrétien dans la terre, vous en tant que conducteur, c'est de présenter les brebis devenues matures en Christ au Seigneur. Vous comprenez cela? C'est de faire monter les gens du lait à la maturité spirituelle. Ça doit être votre objectif. Et pour cela, garde à vous de prendre les enseignements des gens pour dispenser. Dispenser les enseignements de la Bible. Faites attention. Faites attention de ne pas prendre quelque chose que quelqu'un a enseigné pour venir dire. C'est pour cela que vous devez nager dans cette eau-ci pour prêcher la même parole. C'est ça. N'allez pas lire les livres pour avoir des révélations là-bas pour venir enseigner aux gens. Parce que c'est pour eux que la personne a été noyée et que vous en avez été noyé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, dans ce livre de Matthieu, il dit, quel est ce serviteur que le maître a établi sur quoi? Ces gens. Le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture autant. Vous n'allez pas prendre une nourriture de 1972 pour donner à quelqu'un de 2014. Ça ne marchera pas. C'est une nourriture autant. Donc vous avez une responsabilité en tant que prédicateur de rester devant le Seigneur chaque fois pour savoir de quoi dispenser. Pour savoir quoi dispenser. Vous devez faire ce que la Bible déclare. Entretenez-vous par les psaumes. Parce que un seul psaume que Dieu te donne et qui te lave le cœur, l'enseignement peut sortir de là, sachant que ça sort de ton cœur et par l'esprit. Et tu donnes ça, tu vois effectivement que ça répond aux uns et aux autres. Vous me suivez? Ne faites pas ces genre de choses qu'il ne faut pas que vous soyez conducteur et que ça devienne le lieu de règlement de compte. Ou en tant que tel a dit telle chose, on vient, on prêche sur le fait de ne pas dire telle chose. En faisant comme ça pour indexer la personne, ça ne marchera jamais. C'est les œuvres de la chair là-bas. Vous saisissez ça? Il y a des gens qui ont fait le pupitre maintenant, le lieu de règlement de compte. Qu'il y a tel frère ici qui allait enseigner qu'on ne paye pas les dîmes. Vous qui êtes ici assis au centre d'euro, l'application tourne autour. Tel allait dire telle personne, la programme tourne autour. Non, ce n'est pas la notice. Le but, quand on se réunit, c'est pour s'édifier, pas pour se détruire. Donc vous devez faire attention de la dispensation de cette parole. Vous devez faire de telle enseigne que l'édification, les bénédictions des paroles de la parole soient l'objet de la prédication. Que quelqu'un soit enrichi. Que quelqu'un ne paye pas le taxi pour rien. Sortir quelque part cherchant la consolation que donnent les Écritures, il vient, il reçoit plutôt le brisement. Si quelqu'un doit être brisé à cause du péché, c'est dans l'ordre des choses que ça arrive ainsi. Souvenons-nous de cela. Parce que la repentance, selon Dieu, les tristesses que produit l'esprit, produit la repentance à salut. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je l'ai dit, il parle par rapport à ça, que ce ne soit pas les. Vous ne suivez pas les prédications comme l'étape de règlement de compte pour la chair, comme les gens le font. Ce n'est pas cela. Vous devez rester sur vos genoux devant le Seigneur, priant chaque jour pour demander ce qu'il en est. Vous voyez cela? Vous avez vu comme par exemple le 21, le 31, comment on est réunis là-bas. J'ai prié toute la journée pour savoir de quoi. Je lui ai dit qu'on va se réunir le 31. Je suis le 31, rien, absolument rien ici. 31, rien. Je suis venu à l'assemblée m'asseoir, rien. 31 jusqu'à ce qu'il commence. Mais j'ai confiance parce qu'il a dit qu'il va le faire quelque chose. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Comptez sur lui. Il ne vous abandonnera pas. Mais à condition que vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous devez automatiquement comprendre que, comme l'apôtre Pierre a dit, que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, 9, que vous êtes le champ de Dieu. Donc les brebis sont les brebis du Seigneur. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Il dit, j'ai posé la fondation. Donc il est comme un constructeur. Nous sommes en train de continuer sur cette œuvre-là. Il dit, aucun autre fondement ne peut être posé. On dit, et il a dit, et un autre bâti dessus. Il a posé, il est quitté. D'autres ont continué. Ne sont pas la finition. Pas vrai ça, frère. Vous comprenez ces principes de course de relais, n'est-ce pas? Donc, imaginez que les autres ont continué depuis l'an 30, commencé avec la fondation. On vient en 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, pour commencer maintenant à mettre une des choses à côté. C'est quoi cette histoire? Ça ne marchera pas. La fondation, la finition doit être conforme à la maison qui a commencé depuis le bas. Tous ceux qui, au courant des siècles, ont fait autre chose en dehors de cette fondation, ça ne sera pas la fondation. La fondation de l'église du Seigneur reste debout. Il connaît tout ce qui lui appartient depuis le siècle, depuis les premiers apôtres jusqu'à maintenant. Il connaît ce qui lui appartient. On ne peut pas dérouter le Seigneur par rapport à cela. Parce que ces gens-là sont prédestinés dans cette tâche-là. Et nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, vos noms qui sont écrits dans le livre des vies ne doivent pas faire de tâche. Vous pensez que la tâche est terminée. Vous devez comprendre la grande responsabilité de pourquoi vos noms sont écrits là-bas. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre la grande responsabilité qui vous fait l'éternel Saint que Dieu a écrit mon nom de ses propres mains dans ce livre-là. Et il m'attend sur la terre que je le glorifie. Vous devez le glorifier. La nonchalance doit s'arrêter. D'accord, frère Jimmy? l'absentéisme caractérisé pour de l'argent doit disparaître, n'est-ce pas, frère Hervé? La course à outrance pour le pays, ça va s'arrêter, n'est-ce pas, frère Donatien? Voilà. Alors, lorsque nous comprenons donc cet amour, nous commençons à comprendre maintenant les choses qu'il ne faut pas faire. On entre là-dedans. Les choses qu'il ne faut pas faire. Lisons d'abord Matthieu chapitre 20. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Matthieu, le chapitre 20. Souvenez-vous, l'amour pour le Seigneur doit être la motivation pour le servir. Le service est s'occuper en tant que conducteur, en tant que paisseur de brebis, doit être votre but. Et pour cela, vous devez rester devant le Seigneur. Malgré que je vais parler comme ça, vous devez rester pour connaître de façon individuelle ce que Dieu vous destine à faire. Ce que Dieu vous destine à faire. Parce qu'il y aura des choses que je vais vous dire, des choses qu'il va vous dire lui-même directement. Chapitre 20. Nous sommes à partir du verset 20. Suivez attentivement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20. Frère, veux-tu hier le chapitre 20. Verset 20. Je vais lire. J'attends que tu y sois. Verset 20 et suivant. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Donc leur mère a demandé, et Jésus était à côté pour confirmer. Parce que jusqu'à a demandé à ces garçons, vous pouvez boire? Ils ont dit, que oui, on peut boire. Vous comprenez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, n'est-ce pas? Verset 23, et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Parce qu'ils sont ses disciples. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas boire la même coupe. Tu vas souffrir comme il a souffert. Vous devez confirmer. Le même verset dit, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ce passage-ci, le Seigneur Jésus veut nous enseigner que les places sont réservées. Les places sont et c'est destiné pour ceux à qui c'est. Que chacun cherche seulement c'est quoi? Sa place. Vous devrez seulement chercher votre place. Seigneur, tel que je suis. Seigneur, donne-moi de te glorifier selon la charge que tu m'as demandé. Seigneur, donne-moi de courir dans le couloir que tu m'as assigné. Vous suivez ça, frère? Seigneur, donne-moi de ne pas convoiter la position d'une autre personne. Seigneur, donne-moi de me contenter de l'appel que tu m'as donné. De m'atteler à affirmer la vocation céleste. La vocation que tu m'as adressée. La saine vocation que tu t'as plu dans ton plan éternel de m'assigner. Vous voyez comment le mal pouvait entrer dans le corps alors que le Seigneur Jésus lui-même est physiquement présent, frère. Alors maintenant, imaginez que si ces brins de l'esprit est injecté alors qu'il est présent. Imagine donc quand il n'est pas présent, ce qui se passe. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on regarde toutes ces choses-ci, tous ces contours pour éviter ces choses-là. Donc, ils ont commencé à dire, mais supposons que le Seigneur Jésus a dit, ok, ça vous est accordé. Vous pensez que quelle devait être l'attitude des autres apôtres? Moi, les plus choses, quand, si Pierre dit quelque chose à Jean, que fais tes choses, mon ami, fais ce que tu as fait, laisse-moi, j'ai ma place qui est là-bas en haut, c'est à côté de Père, à la droite de Jésus. Même si je monte, même si je descends, c'est ton problème. Ça ne devait pas être comme ça. Dieu veut la cohésion du groupe. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu révéler à qui c'est réservé. Il dit que c'est à qui c'est réservé, mais il connaît les noms des personnes qui vont être là-bas. Nous sommes d'accord? Il dit que c'est destiné à ceux à qui c'est réservé. Il n'a pas dit que pour eux, ils ne sont pas là. Il a dit qu'il a plusieurs demeures, dans Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Donc personne ne viendra dire que non, je suis en train de travailler, on ne sait même pas si je vais rentrer. C'est qu'il y a quelque chose de faux chez nous. Nous devons savoir avec certitude que notre rédempteur allait à la croix avec nous, il est allé dans la tombe avec nous, ressuscité avec nous, et il nous a amené en haut. Il attend seulement que la course se termine ici pour venir nous chercher. Nous devons avoir cette certitude-là. Nous devons avoir cette certitude. Nous devons le savoir. Nous devons croire cela. Ça doit être enraciné en nous, comme une encre sûre. Ça doit être là, assis. Qu'il a fait cela alors que nous n'étions pas nés. Que ce n'est pas parce que nous avons les égarements, les mauvais conduits, que ça va changer la position. Parce que ces choses-là ne changent pas notre position devant lui comme enfant de Dieu. Il va nous corriger, nous nettoyer. Si nous reconnaissons ça, nous avançons seulement. Il n'en change pas la position. Après, quand tu t'es réglé, il revient encore t'es greffé. Non, il n'est pas comme ça. Alors, si on commence à demander que faites comme ça, que je sois à l'autre à la gauche. Il a dit qu'il est bien fait que vous allez boire de ma coupe. Mais cette place-là, c'est réservé à celui qui se réserve. Donc, il nous apprend que les places sont réservées. Il y a des personnes qui disent que ce n'est pas le frère Hervé, par exemple. Parce qu'il n'a pas dit que c'est celui de l'époque où il parlait. Qui te dit que ce n'est pas le frère Bobda? Puisqu'il a dit que c'est une personne X et Y. Hein, frère? Vous dites, qu'est-ce qui se... J'ai même fait quoi? Nous sommes jeunes, pas vrai? Nous avons de l'âge devant nous. Ce n'est pas pour dire qu'on ne pouvait pas mourir jeune. Il faut que toi et moi, avant qu'on ne meure, qu'on ait achevé ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Que nous quittions ce monde-ci avec les mains hautes. Que nous quittions ce monde-ci, sachant que si les gens pleurent sur la tête, qu'on puisse dire à la famille que si je sors aujourd'hui et que je ne reviens pas, ne pleurez pas, réjouissez-vous parce que je suis allé auprès du Père. C'est ça. Qu'on ne soit pas en train de dans l'incertitude que s'il meurt, est-ce que le frère était vraiment dans la règle? Alors, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Soyez en règle à tout instant. Soyez en règle à tout instant. Parce qu'en tant que serviteur, vous allez dormir à tout moment, le maître peut décider d'appeler Hervé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas dire que non, j'ai mis les poudres sur mon visage, il ne veut pas mettre que tu me vois comme ça. Tu vas dire ça? Quand tu vas dire, mais voici. Parce que tu es là pour quoi? Pour servir. Donc quand il t'appelle, tu dois te présenter. Donc il faut être prêt parce qu'à tout moment, Dieu peut envoyer quelqu'un que va chez tes personnes. Tu y vas. Il dit, impose les mains. Tu dis, yeah, j'étais dans le péché. Yeah. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de serviteurs disent, vous dites, je vais revenir pour que tu pries pour moi. Il dit, attends, il me prépare. Il se prépare. Il est de la nourriture. Vous pensez que vous voyez que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Le serviteur est exactement comme ce 2 Timothée 2 dit, c'est un soldat, il doit être prêt. Un soldat ne doit pas le devant, on dit qu'on l'aime dans l'anglais, on dit qu'il n'y a pas essayé de tirer. On tient comment là? On fait l'arme comment? On manipule comment? Qu'est-ce qu'on tire? Comme ces armes que Dieu m'a donné, temps de tirer, il a ajusté et tiré. Il ne blaguait pas. Donc, affûtez vos armes. Affûtons nos armes parce que ça va barder. Je ne dis pas qu'on ne peut pas combattre. Pourquoi arabe? Ce n'est pas ça dans une question. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas visibles, ce n'est pas charnel. Sont puissantes. D'accord, frère? Donc, je suis en train de dire ici, il faut que vous soyez prêts à tout instant. Pour que si le maître appelle, que vous soyez prêts à répondre au service. Ne dites pas que ça fait. C'est pour ça que les disciplines, vous devez vous imposer des disciplines personnelles. Vous devez vous imposer des disciplines personnelles. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un, un père spirituel, va vous imposer la main. L'imposer la main ne fait pas que vous devez gêner. La discipline personnelle est soumise dans l'esprit par les jeûnes, les prières. Vous devez avoir cela. Votre temps de jeûne, votre temps de travail personnel devant le Seigneur que vous nourrissez. Pendant que vous nourrissez, Dieu vous donne pour vous et pour les autres. Quand je lis la Bible, il y a des choses que je lis pour moi. Que je lis seulement pour moi, que je ne peux pas dire à quelqu'un. C'est pour mon âme. Les choses que je lis, c'est pour prêcher à un type de personnes. Que c'est seulement pour eux. Les choses que je dis, c'est pour les brebis. Les choses que je dis, c'est pour les prédicateurs. Les choses que je dis, c'est un message pour eux. Quand je lis, c'est pour le monde. C'est comme ça que vous devez discerner ces différentes herbes-là. Pour pouvoir donner aux brebis les nourritures spirituelles. Autant convenable. Donc vous devez comprendre tout cela. Vous devez voir toutes ces choses-là au milieu de vous. Les aspects de ces choses, comment les prédications viennent. On ne peut pas aller prendre un vieux qui a commencé à lire les cours là-bas, les anciens cours que mon pasteur avait enseigné. Il avait même dit quoi? Quand le ventilateur pousse le cahier, comme quelqu'un prêchait un de ces jours, la feuille est partie. Il a dit que le ventilateur se dérange. Je disais même quoi là? Il disait même quoi sur la feuille? Vous voyez, il faut que ça soit sur le cœur. Parce que ça sort du cœur par l'Esprit de Dieu. Ça va sortir, ça va parler de cœur à cœur. Ne prêchons pas l'intellect. Ne prêchons pas les raisonnements. Ou bien, je pense que si je pense quelque chose, ça n'aura pas d'effet sur quelqu'un. Laissez le Saint-Esprit parler au travers de vous. Faites-lui confiance. Mettez-vous à genoux. Dis, Seigneur, c'est ton œuvre. Je suis insuffisant pour cette tâche. Mais par ta grâce, tu m'y as appelé. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Il a dit, quand vous serez debout, faites-lui confiance. Vous avez toujours vu cela. Il va parler. Vous dites, peut-être, il faut qu'il me mourisse 2 ou 3 versets. Ne faites pas cela. La mémorisation du verset est bien. Mais la confiance est la plus. Je t'avais déjà dit une fois quand tu m'as dit comment savoir que c'est le Saint-Esprit, il faut faire comme ça là. Je ne sais pas. Il faut s'abandonner entre ses mains. C'est-à-dire que si tu travailles dans cette maison, si tu es esclave, reste vraiment tranquille. Je sais qu'à tout moment, on peut m'appeler au service. Donc si je fais n'importe quoi, je sais qu'à tout moment, je peux dire laisser ce n'est pas faire. Donc si je fais n'importe comment, si je dis lève-toi, je me lève, c'est comme ça. Sois prompt à être obéissant, à écouter et à agir. Et chaque fois que vous voyez, ça marche. Dans le secret, s'abandonner au Seigneur. Et pour que ça soit comme ça, il faut une culture de cette relation-là. Il faut une culture de cette relation. Vous n'avez pas des solutions dans d'autres livres autres que la Bible. Si vous voulez laisser que le Saint-Esprit vous laisse à vous-même, laissez la Bible commencer à lire autres livres. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez avoir les connaissances dans ces livres sans avoir la révélation de la parole de Dieu. Et vous allez avoir les connaissances qui sont bonnes. Bon, des connaissances qui sont bien cool pour expliquer aux gens, mais ne laissez pas la Bible. Aucun livre ne doit se mettre en dehors de la Bible. On ne peut pas passer un mois en lisant un livre et en laissant la Bible, vous négligez la Bible, vous lisez la Bible une fois par jour et que tout un livre plongé dans un livre pendant 3 mois. Vous allez avoir de bonnes, excellentes révélations. Je vous allez vous dire des choses. Parce que ce que Dieu a prêché par l'apôtre Pierre là-bas, vous allez lire ça un des jours, vous allez voir ce soit un nouveau jour. Le Saint-Esprit prend cette parole pour administrer aux gens. Parce que c'est sa parole. Il a dit, prenez l'épée de l'esprit. Il n'a pas dit l'épée de chaque... Quelle est la parole de Dieu? Il n'a pas dit la parole des hommes. Il a dit la parole de Dieu. Sa parole est contenue là-dedans. S'il a donné des révélations aux gens pour nourrir les gens, c'est bon. Pour comprendre certaines choses, Mais ressourcez-vous pour vous nourrir votre âme et pour nourrir les autres dans sa parole. C'est n'est-ce pas? Ressourcez-vous. Ça peut vous donner de voir comment les hommes de Dieu ont travaillé. Comment certaines personnes ont fait. Ce qu'on fait, ça, c'est bon. Mais la parole de Dieu, c'est la source inépuisable. C'est inépuisable. Tous les êtres humains peuvent être critiqués et corrigés. Peuvent être critiqués et corrigés. Parce qu'ils peuvent recevoir des révélations, ils mettent son propre expérience, ses choses, ses pensées. Mais là, il s'agit de la pensée de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, comme je l'ai cité, a dit tout à l'heure là, que vous avez reçu cela comme étant véritablement la parole de Dieu. C'est ça, frère. Continuons ici. Verset 23. Il leur dit et il leur répondit. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Le Père l'a réservé. On dit que les personnes sont réservées, frère. Ça ne vous fait pas bouger là? Ah. Frère, tu sais que ta place, personne ne peut la prendre. Alors, ces choses permettent de pratiquer, de corriger certaines choses encore qu'on dit. D'autres personnes disent que non, si tu ne veux pas ta place, on va prendre ta place là-bas. Vous pensez qu'on va prendre la place de quelqu'un? Vous pensez qu'on va prendre la place de quelqu'un? Que non, si Dieu t'envoie, tu ne pars pas, il va enlever ta couronne, donner ta couronne à quelqu'un, prendre ta place là-bas, donner. C'est réservé. C'est un service où Dieu a prédestiné les gens. Et il sait davantage. Ce n'est pas quelque chose qu'il va dire que j'ai appelé Anou à refuser de venir. Non. S'il savait que tu, comme il est Dieu, s'il savait que tu devais refuser, il ne devait pas t'appeler. C'est pas sa présence qui t'appelle, sachant que tu vas faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est pour ça que vous allez voir qu'en réalité, aucun serviteur de Dieu dans la Bible n'a échoué son plan. Aucun. Si vous comprenez bien le plan de Dieu, la façon de Dieu d'agir, vous allez voir que personne n'a jamais échoué. Sur le plan, vous allez dire que voilà Jonas qui fuyait la peine. Il fuyait quelle peine? Qui vous a dit qu'il fuyait la peine? S'il ne faisait pas comme ça, il devait avoir 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ses vents, de la terre. Il fallait qu'il fasse comme ça pour y aller. Vous voyez les choses, n'est-ce pas, frère? Donc ici, ça nous montre que notre place est réservée. Et c'est qui a réservé? Le Père. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si c'est caché en Dieu, comment on va faire pour se perdre? Même pas toi, tu ne peux pas te perdre. C'est pour cela qu'il donne les instructions. Il fait qu'il y ait des choses sur la terre pour cadrer les gens, pour ramener les gens à la lettre, sur le chemin, pour qu'on marche comme ça. Et ceux qui sont ses enfants entendent sa voix et marchent. Verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Vous avez vu? Vous avez ce qu'il a commencé de faire? Donc, l'élévation d'une personne, l'élévation d'un serviteur, l'élévation ou les bénédictions accordées à un frère peut susciter des jalousies. Il se pourrait que parmi vous, Dieu accorde un don de guérison à une personne, mais un autre accorde plutôt une autre personne. Souvenez-vous que vous ne devez pas être en compétition comme dans cette piscine-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas en compétition. Vous devez comprendre que les diverses grâces de Dieu, c'est pour être ses. Si vous donnez à tous des dons de guérison, il y aura un handicap par rapport à quelque chose. Parce que selon le besoin, il y aura les guérisons. Il y aura des gens qui auront besoin de discernement pour savoir quel est leur problème. Alors il faut que Dieu donne un don de discernement à quelqu'un d'autre pour pouvoir discerner que ton problème c'est tel. Ton problème nécessite de la prière. Tu as un problème de telle guérison, va voir tel frère. Celui qui a un don de guérison, il va imposer la main. Vous saisissez ça, frère. L'autre a plutôt le don, l'esprit de prière. L'esprit de la crainte du Seigneur, c'est celui-là qui l'a. Alors va vers lui, va t'apprendre. Alors il vient là-bas, si celui-là l'exode avec l'esprit de la crainte du Seigneur, vit dans la crainte du Seigneur. Ça, vous voyez les choses que Dieu peut faire là au milieu. Donc, les dons de grâce, les divers dons de Dieu doivent être mis au service des uns et des autres. Ce n'est pas pour nous que Dieu le donne. 1. Ce n'est pas afin de s'enorgueillir. 2. C'est pour le service. Si Dieu vous donne un don de guérison, commencez à vous enorgueillir. C'est comme cet esclave, comme on a dit, qui a désormais dans sa maison, la chambre n'avait pas le ventilateur, on lui a acheté le ventilateur. Il commence à se comporter maintenant comme s'il était le maître de la maison. Que Dieu, j'ai le ventilateur dans ma chambre. Il met le ventilateur à 4. Ça fait vous. Parce qu'on lui a donné un truc qui va le rendre confortable. Alors le ventilateur, on a fait le Vatatigou, ça a pu se retirer. Donc il peut mettre ça, que ça roule, tout le monde en profite. Vous voyez ça, frère? Malgré que c'est son ventilateur, malgré que c'est pour lui qu'on a acheté, pas vrai, frère? Donc si Dieu nous a donné un don pour, par rapport au ministère que vous avez été appelé, gardez-vous à l'esprit que, un, vous ne devez pas vendre sous aucun prétexte. Gardez-vous à l'esprit que vous ne devez pas, ce n'est pas à vendre, ce n'est pas à marchander. Faites l'effort pour garder ceci. Faites, il dit bien, faites l'effort pour garder ceci, parce que j'en ai vu. Vous priez pour quelqu'un comme ça, la guérison est là instantanée. Ou la personne, par réflexe, envoie seulement l'argent dans la bouche. Quelqu'un vient vous consulter, vous dites, voici Dieu fait telle chose avec toi, telle chose, il y a 6 choses, 7 choses. La 7e chose va arriver plus tard. La personne va me dire, mais personne ne m'a jamais dit, ces choses, personne ne peut connaître si ce n'est Dieu. Il sort le lot d'argent comme ça là. Il dit, fais attention, c'est pas comme ça. Et la personne décide de verser biblique, qui vous dit, c'est ça les choses qui m'ont arrivé. Il te dit que vous, homme de Dieu, tu sais qu'on ne vient pas dans la maison de l'Indien. Il veut m'apprendre ce que la Bible dit. Que tu sais qu'on ne vient pas voir la, dans la maison de Dieu les mêmes vides. Il dit que tu es revenu avec les mêmes vides, avec les mêmes pleins, tu vas rentrer avec sa plaie. Vous voyez, ben, ce n'est pas le temps de prendre de l'argent. Dieu s'occupe de vous. Et il ne m'a jamais déçu. En fait, il ne peut pas décevoir parce qu'il n'est pas, il n'a pas l'attribut de déception. C'est Satan qui déçoit. Donc, si vous faites alliance avec Satan, vous serez déçu. Il va vous tromper et vous aurez vos yeux pour pleurer. Faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ. Même si les temps sont difficiles n'importe comment, dans ces moments difficiles, il a envie de faire quelque chose. Les moments difficiles que le Seigneur a ordonnés sont des bénédictions pour nos âmes. Sont des bénédictions pour nos vies spirituelles. Parce que les moments difficiles, c'est le moment des épreuves que nous sommes en train de composer. Les épreuves de notre foi. Vous devez comprendre cela. Et comprenant cela, vivant cela, vous pourrez comprendre ce que c'est par quoi quelqu'un passe. C'est par quoi les brebis passent. Alors vous pouvez les consoler, les exhorter, les guider vers le Seigneur. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Ce n'est pas votre brebis. Ce n'est pas votre fidèle. N'oubliez jamais cela. Ce sont les brebis du Seigneur. Comme il a dit à l'apôtre Pierre ici, paix mes brebis. Je bâtirai mon église. Souvenez-vous de cela. C'est pour ça qu'il faut les laisser en libre, en liberté entre les mains du Seigneur. Vous devez avoir un œil gendarme pour recadrer. Pas la dictature. Par amour, on doit cadrer. Il faut que vous regardez bien la limite entre la dictature et l'autorité. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Voilà, regardons ici. Verset 24, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Vous avez vu cela? Souligner tyrannise. Et que les grands les asservissent. Souligner. Ces deux mots, si on s'en tient encore là pour expliquer, mais de toute façon, on est là pour cela. Tyrannise et asservir. Tyranniser et asservir. Le Seigneur prend directement l'exemple sur les chefs de ce monde et les grands. Il a de prendre en comparaison aux disciples qui sont devant de lui, dont les apôtres, ceux qui sont censés conduire. Il a mis les conducteurs au niveau des chefs de ce monde-ci. Donc, parce que les chefs de ce monde-ci sont sur des personnes qui sont établies. Donc, ils dirigent des personnes. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, il veut dire, vous êtes aussi censé diriger des personnes. La règle, la façon que ceux-ci dirigent des personnes, c'est qu'ils utilisent la tyrannie et ils asservissent. Parce qu'ils peuvent utiliser l'autorité, le bâton, le sceptre pour mettre les gens sous leur dictature. On en a connu Idi Amin Dada, Mobutu Sese Seko et autres là-bas, Augustin Pinochet et tous les autres. On a vu comment ils ont dirigé avec un main de fer la nation, n'est-ce pas? Il dit que ça ne doit pas être comme ça. Il dit qu'ils tyrannisent et ils asservissent. Voilà comment ils font. Tyrannie, asservissement. Tyrannie, ça veut dire que dominer avec autorité. Dominer à outrance. Dominer, faire quelqu'un, faire subjuguer quelqu'un par l'autorité, l'autoritarisme. C'est ça. Asservir, ça veut dire que les gens sont là seulement, ils sont sous toi. Ils doivent quoi? Te servir. Donc c'est comme les esclaves. Comme les esclaves maintenant au sens de la traite négrière maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Vous avez suivi? Il s'adresse à qui ici? Au conducteur qu'il a de laisser. Nous sommes d'accord? Il dit, il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. Puis il donne maintenant la règle qui est contraire à la règle de ceux de la tyrannie et de l'asservissement. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. souligner. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. La grandeur, d'après le Seigneur, devant le Seigneur, ce n'est pas celui qui porte la veste, ou devant qui on ouvre les voitures, on porte sa Bible, on met l'eau, les gens saluent en se baissant. On essuie les choses pendant qu'ils passent. Ce n'est pas ça dont il est question, ce n'est pas ça être un grand serviteur du Seigneur. Un grand serviteur du Seigneur, pour Dieu, c'est celui qui s'occupe le plus de ses brebis. Celui qui s'occupe davantage de ses frères. N'est-ce pas ce qu'il en est dit ici? Que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Remarquez bien, verset 7, 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous avez vu, si vous regardez ces deux caractéristiques dont il a parlé, celui qui veut être premier particulièrement, le dernier verset, verset 27, vous allez voir que exactement, vous prenez ceci, vous regardez la vie de l'apôtre Paul, vous allez voir effectivement que c'est ce qu'il a été. Si vous regardez le verset 27, vous regardez, il dit quiconque veut être le premier parmi vous. Il a dit qu'il courait vers le but pour prendre la, quoi, attraper la couronne de la vocation céleste. Mais regardez ce qu'il a fait. Il dit que je me suis fait serviteur de tous. Avec les faibles, je me suis fait quoi? Mais pourtant, s'il y avait quelqu'un dans notre ainsi, c'est que on va laisser le pape le suivre, pas vrai? C'est que l'on va le porter, nous va mettre sur un pédestal, construire sa part d'église de Rome, ça va encore être plus. C'est sur la montagne qu'on va construire sa part, peut-être sur le mont Cameroun. Non. Mont Ararat, qu'on va le construire pour que quand il est n'importe où, on voit son église parce qu'il est tellement grand. Mais regarde comment il a été. Faible, méprisé. Il parle de la dimension de l'esprit qui était en lui. Mais regarde comment il est. Il a été effectivement l'un des esclaves des êtres humains pour que Christ soit glorifié. Il y a de quoi la couronne de la justice lui est réservée. Alors faisons de même. Faisons de même. Il a dit là-bas dans ses épîtres, il a dit que il a tellement l'amour était grand qu'il pouvait donner même ses propres vies s'il fallait donner. Pas vrai? Donnons nos vies les uns pour les autres. Souvenez-vous que le Seigneur vous a établi sur des gens. Et vous ne pouvez pas voir la chose à l'heure maintenant, comme en 2009 quand il commençait à prêcher, les gens me regardaient que tu dis des choses qui sont dures là. Tu es seul dans toutes ces histoires et que c'est sorti de ces bouches que nous sommes pas, je ne suis pas seul. On est dissimulé, je disais, je ne sais pas sur quoi le compter, c'est sorti comme ça. On est dissimulé dans le monde. Le moment arrive. Les voici qui arrivent. Il est pointé. Les gens sont tournés pour regarder dehors. Pourquoi que ils croient peut-être que les gens sont pointés dehors, qu'ils sont dehors. Je dis que les voici qui arrivent bientôt. Vous allez les voir. Vous me fuyez si vous allez entendre quelque part. Nous ne sommes pas là. Nous en sommes là. Alors on ne peut pas fuir cela. Donc je suis en train de dire, vous ne pouvez pas voir maintenant l'ampleur. Là où Dieu peut vous amener. Mais il peut changer, bouleverser votre vie au point où vous ne savez même plus vraiment que si c'est même vous. C'est pour ça qu'il dit chaque fois, Seigneur, qui suis-je? Pour que tu m'assignes à ce genre de tâches. Qui suis-je? Personne dans ma famille n'était chrétien. Personne n'était dans les religions. On dit, écoute, tu lèves quelque part, on te dit que lève-toi, allez à l'église. Comment on dit, au moins comme ça. Dieu merci pour cela, pour la préservation dont tu m'en as fait. Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Il a un plan derrière. Que tu ne sois pas sali par tout cela. Que tu ne sois pas sali là. Pour que le monde vienne, que tu puisses discerner. Mais chacun de nous a un plan. Si vous avez fait passer de lieu en lieu, vous avez un autre enseignement qui va vous donner là-bas. Et dont vous allez avoir, et dont le corps doit en profiter. Chacun a un destiné, un plan devant lui. Mais vous devez avoir un objectif, que le but, c'est d'amener les brebis dans la bergerie. Le but, c'est ça. Et donc, servez avec les moyens que Dieu vous a donnés. Servez les fruits du Christ. N'hésite pas, il s'écrit, oh Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Non, ce n'est pas cela. C'est sur les gens. Donc, ça va se passer. Le résultat doit être sur les gens. On doit ressentir l'amour. Vous savez que vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un sans amour. Vous savez que si vous donnez quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas l'amour, la personne va ressentir cela, frère. Il faut que la personne qui ait de l'amour, quand vous n'êtes pas là, que la personne manque, voit votre manque, votre place, qu'il vous divide. Comprenez cela? Il faut que vous soyez cela. Il faut que vous ayez cela. Et s'il n'y est pas, il faut que vous soyez devant le Seigneur à genoux pour que ça soit ainsi. Alors si vous êtes n'importe où, comme tu vas au Bénin, au Togo, tu vas t'asseoir là-bas, Dieu va envoyer les gens vers toi. Tu parles de Dieu, tu parles de Dieu, mais il y a quelqu'un, tu as semé. Il y a quelqu'un qui m'a dit telle chose comme ça, parce que tu n'es pas serviteur de Dieu seulement à Douala au Cameroun. Non, vous n'êtes pas serviteur de Dieu à Douala au Cameroun. Il peut vous envoyer n'importe où. Quand ils sont réunis dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ils ont commencé à prier. Quand la tribulation arrivait par la suite de la lapidation du frère Étienne, la Bible déclare que les disciples, excepté les apôtres, sont dispersés partout, ils sont allés distribuer. Ils s'attendaient à ça. Ils s'attendaient à ça, à cela. Donc Dieu te balance n'importe où. Comme tu seras là-bas maintenant, tu vas dire maintenant, ouf. Les pieds là, ils aiment te voir les péchés des gens. Ils sont plus là. Vous n'avez pas péché ici. Non. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Et notre corps, notre âme, notre esprit doit le glorifier. Vous devez avoir cela. Vous devez savoir cela pour pouvoir l'enseigner aux autres. D'accord, frère? Donc, il dit ici là qu'il n'en sera pas de même au milieu de vous. Que celui qui veut être grand parmi vous soit serviteur et que celui qui, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Après, il dit pour lui. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour, mais, et, voilà Marc qu'il a laissé. Il dit, c'est ainsi, c'est de cette façon-là qu'il a agi. C'est en cela que consiste le fait que je, moi qui suis le maître, je suis venu pour être serviteur. Pour servir et en plus, donner sa vie. Il peut venir sur la terre, c'est tranquille, mais ça n'a pas besoin de souffrir. Regardez là où il peut naître. Regardez là où il peut naître. L'antichrist ne peut pas accepter d'être dans les endroits où il n'aime pas la souffrance, mon ami. Il ne peut pas accepter d'être comme ça dans ces conditions. Regarde-le pas net. Il va naître, l'antichrist lui va naître dans un palais, dans un endroit, une famille qui est riche. Enfin, il parle même, il va naître. Il est là. Donc, quand ce genre de personne si c'est présent, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Et il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et c'est ce que je suis. Dans un Jean chapitre 13. Si je vous ai lavé les pieds, vous devez vous faire les uns les autres. Regardez l'apprentissage qu'il a passé le temps à montrer à ses disciples que être grand dans le monde, c'est s'élever. Mais être grand pour Dieu, c'est se rabaisser. Nous devons apprendre cela. D'accord, frère? Il ne sait pas si jusqu'ici vous m'avez saisi. Vous avez des caractéristiques, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur attend de nous. La motivation par l'amour, c'est que c'est qu'un serviteur. Vous êtes conducteur, vous êtes esclave. C'est que Dieu attend de vous. On doit servir Dieu dans son champ. Son champ, ce sont les chrétiens. Il s'attend à ce que nous le perçons. Ce que nous avons vu en premier lieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, souvenez-vous, on a terminé là où il y a Matthieu. C'est quoi? Matthieu? Matthieu 20, verset 20. 20, 20. Il a donné l'exemple comme lui-même étant Seigneur. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Maintenant, nous allons dans le livre d'Ézéchiel. J'ai dit Ézéchiel, c'est ça? Oui. Ézéchiel. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Maintenant, suivons à partir du verset 1. La parole, nous sommes dans Ézéchiel 34, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. C'est terrible, hein? Vous voyez cela? Si on commence à donner les prophéties contre les pasteurs, c'est que pour eux, c'est grave. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-le aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Puis le Saint-Esprit pose la question. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Vous avez vu ça? Donc, le devoir des pasteurs, c'est fait quoi? Vous avez vu l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Mais remarquez, souvenez-vous que quand le Seigneur, dans la première partie que nous avons vu là, malgré que le Seigneur ait dit à l'apôtre Pierre que perds mes brebis, l'apôtre Pierre ne s'est jamais pris la position du pasteur. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Quand il parlait aux brebis, il a dit que chacun suivait sa propre voie. Mais vous êtes venu au garder. Frère Arnaud, le sommeil allait te déranger. Quand tu vas dormir, la prochaine fois, tu vas vraiment verser l'eau. Parce que tu baisses la tête, que vous ne voyez pas tes yeux, tu es en train de lire. Donc, l'apôtre Pierre dit que vous vous êtes approché vers le gardien de vos âmes, le grand pasteur des brebis. Vous voyez comment il appelle? C'est lui qui appelle le grand pasteur des brebis. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Pourtant, c'est à lui, on a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et si on nous dit que les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez vu cela? Donc, votre devoir, c'est de faire quoi? Alors, nous avons vu que paître, ça veut dire donner de la nourriture, n'est-ce pas? Nourrir. Et j'ai donc dit dans la première partie que vous ne devez pas donner les nourritures périmées. Vous ne pouvez pas aller chercher les laits qui sont périmés pour venir donner au troupeau. Vous devez donner la nourriture. C'est pour ça que dans ces gens disent que nous avons vu dans un enseignement, on parlait de connaître la voie pour pouvoir mener au pâturage. Parce que le pâturage, les vrais brebis, vous les voyez, ils émigrent parce qu'ils savent qu'à telle période, dans telle zone, il n'y a plus de herbes là-bas. Pour ne pas qu'on continue là-bas chaque jour avec donner les herbes bizarres. Vous savez, il y a beaucoup d'incompréhension dans le corps du Seigneur. Vous voyez, certaines personnes disent, il faut être christocentrique pour eux. Ils croient qu'en enseignant que c'est Christ qui est le Seigneur. Christ est l'amour. Christ et Jésus-Christ est ceci. Il est le rédempteur en disant que chaque fois que vous parlez de Christ, il croit qu'en faisant ça, on a de servir Christ. Ou il croit que la Bible devrait être enseignée de cette façon, ça c'est bon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'il faut que l'enseignement soit christocentrique. Ce n'est pas ça. Les chrétiens sont au-dessus de cela. Les chrétiens sont au-dessus de la christocentricité. Parce que la christocentricité donne la connaissance en profondeur de Christ, mais ce n'est pas la vie dont le Christ veut là-bas. Ce que le chrétien doit avoir, c'est les enseignements qui le font grandir. Parce que Christ lui-même, dont on dit qu'il faut être christocentrique, a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc un berger doit pouvoir dire « Christ a dit que tu dois marcher comme ça. » C'est ça. C'est pour cela qu'il faut avoir l'enseignement sur les autorités, comment on doit se comporter devant les autorités. Comment les jeunes filles doivent se comporter dans leur foyer. C'est dans la Bible ça. Comment on doit marcher en face des autorités de ce monde-ci. Quelles sont les limites que nous devons pouvoir franchir. Comment on doit se comporter avec les mondains. Ce sont des enseignements cela. La Bible appelle ça la saine doctrine. C'est ce que la Bible enseigne. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? La Bible déclare ne devez rien à personne. Sinon, de vous aimer les uns les autres. Dans cette intention, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez que Dieu donne sa volonté. Que voici ce que je veux des êtres humains. Qu'ils s'abstiennent de marcher dans la chair. Vous dites que fuir les passions de la jeunesse. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que les passions de la jeunesse. Il leur expliquer cela. Que de dire Christ est amour. Oui, il est amour. Et puis, Jésus-Christ est Dieu. Oui. Même les satanistes savent cela. Ils marchent dans le dérèglement. Pas vrai? L'iniquité, toute iniquité éternelle est une injustice. Car iniquité est une injustice, tu peux être injuste. Ouvrez l'iniquité, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que enseigne à quelqu'un ce que c'est l'iniquité pour que je sache oui ou non il est en train de le commettre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors je suis en train de dire donc ceci. Il dit les pasteurs doivent ne devraient-ils pas perdre le troupeau, perdre le troupeau, c'est de la nourriture. On a vu ici, c'est Jésus qui dit quel est ce serviteur? Je crois que allons-y là-bas dans ce livre de Matthieu, on est rentré ici. Merci Père. Notez cela, notez ce Matthieu là. Matthieu chapitre. Vous y êtes. Chapitre 24. Notez Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 12. On va lire les deux maintenant, on va rentrer dans Ézéchiel. Matthieu, vous en avez noté. 24, verset 44 et suivant. On avance. Notez Luc chapitre 12, je vais vous donner le verset quand on va y aller. Donc nous sommes dans Matthieu 24, verset 44 et suivant. J'avance là-dedans. C'est pourquoi vous aussi, il a dit ça de sa cible là-dedans. Tenez vos prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous êtes là. Maintenant, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Mon frère annonce un ancien témoignage. Je vais devoir savoir quelle question. Vous savez que le témoignage va prendre, ça dit qu'ils sont les serviteurs, que l'esclave fidèle, c'est là. La watchtower. Hein, frère, ah non. Donc, plus le Saint-Esprit, frère, attends, tu comprends maintenant mieux ce que le verset dit. Donc, verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? J'espère que vous comprenez. Le maître établit qui? Un serviteur fidèle et prudent sur ses gens pour leur donner la nourriture autant. Je veux que vous compreniez le bien de la chose. C'est pour ça que chaque fois, il s'en parle, il disait nourriture autant convenable. Donc, il y a la nourriture du saison. Chaque saison a sa nourriture. Vous ne pouvez pas commencer à prêcher ici la Pentecôte à la fin de temps. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas commencer à prêcher la sortie de l'Exode. Non. Vous ne pouvez pas commencer à prêcher en terminant parce qu'il y aura le déluge maintenant en ce temps-ci. Non. C'est le Seigneur qui est à la porte. Il faut qu'on se prépare pour l'enlèvement. Vous voyez, n'est-ce pas? On peut pas, autant de nous, on ne peut pas aller prêcher l'enlèvement, que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Parce que l'enlèvement va avoir lieu quand quelqu'un qui est né de la vie va naître, nettoyer le péché, venir pour chercher la personne plus tard. Vous voyez qu'on a progressé, n'est-ce pas? Donc la nourriture, autant que c'est convenable, si ça va tourner autour de la repentance pour que le Seigneur vienne. Viens, Seigneur Jésus-Christ, Maranatha, c'est autour de tout ça que ça circule. Toutes les nourritures doivent être concordantes. Donc il dit que quel est cet serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens? Je veux qu'on s'assoie encore, on comprend que, un, Dieu doit avoir établi. Vous avez vu? Dieu va devoir établir. Ce n'est pas une conviction, c'est Dieu qui doit devoir établir. Et il établit, remarquez bien, sur ses gens. C'est ses frères. Ce n'est pas notre gens. Il ne nous établit pas sur notre personne, ce n'est pas notre personne. En fait, vous devez comprendre que c'est notre frère. Nous avons seulement une grâce davantage devant le Seigneur pour pouvoir conduire. Dans le troupe des moutons, il y a toujours un mouton qui est devant. Ça ne fait pas de lui qu'il soit les différents moutons. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il dit, Heureux ses serviteurs. J'espère que vous avez saisi le fait que c'est le maître qui établit. Et il a établi sur ces gens. Et le ciel a mis pour Dieu. Il dit, pour, vous avez vu le but, n'est-ce pas? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. On est d'accord? Ok. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant. Frère Jimmy, tu as suivi ça? Imagine vraiment que, comme je parlais tout à l'heure dans la première partie là, et que le Seigneur t'attendait à telle ou telle heure, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que sur ce plan, si tu n'as pas été fidèle au Seigneur, n'est-ce pas? Donc, il va falloir que tu rentres dans la repentance et remédier vraiment à cela. Et je vais surveiller ça pendant un bon bout de temps. Avec surprise, je vais surveiller, je vais veiller à ce que ça soit comme ça. Et vous les autres, vous devez vous suivre les uns les autres, que vous soyez rigoureux. Comme le frère avait voyagé à l'extérieur du pays en voyageant, que tu sois comme ça. Le frère avait ne pas voyager alors que vous êtes les deux conducteurs là-bas. Et le frère Achille est en conserve de ce côté-ci, bon, celui-ci, il est de l'autre côté. Toi, tu n'es pas là, l'autre n'est pas là. Les gens veulent rester comme ça au niveau de l'assemblée, ça ne doit pas être comme ça. Tu dois savoir que Dieu ne t'a pas établi chauffeur. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu veux, si ça te dérange maintenant là, je mets mes genoux par terre là maintenant ensemble, en sortant là, tu n'as plus cette voiture. Si tu veux. Alors tu vas savoir de quoi il est question avec frère Michel. Tu te souviens de frère Michel, non? C'est ça que tu veux, frère Jimmy? Si ça te dérange, tu fais, on enlève. C'est facile ça. Hein, frère Jimmy, on enlève. C'est beau, grave. Non, j'ai demandé que tu veux qu'on enlève. On enlève pas, frère Jimmy. Ça n'est pas ça comme ça. Donc fais attention, d'accord, frère Jimmy? Frère Jimmy, attention. Parce que la prochaine fois, tu fais comme ça par rapport au Seigneur, on a des façons de nettoyer. D'accord? On nettoie vraiment. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire que jouant son rôle pour lequel il a été établi. Je veux que dans votre cahier, vous notez d'abord ceci avant qu'on avance. J'ai une responsabilité devant Dieu. Je dois savoir ce pourquoi il m'a appelé. Vous encadrez cela. Je dois savoir clairement ce pourquoi il m'appelle. J'ai une responsabilité devant le Seigneur. Je dois savoir clairement ce pourquoi il m'appelle. Ça, c'est un. Vous avez fini, vous donnez un deuxième et vous allez garder cela. Deux. Je dois m'atteler à réjouir le cœur du Seigneur en faisant ce pourquoi il m'appelle. Je dois m'atteler. C'est-à-dire, je dois m'arranger. Quoi. D'accord? Je dois m'atteler, je dois m'arranger à faire tout ce qu'il m'a chargé de faire. Si vous avez fini, vous soulignez, ça va. Verset 46 donc dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée, vous avez fini, n'est-ce pas, frère? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je ne veux pas sauter déjà pour aller sur quelques récompenses de la Bible que la Bible nous a promis. Vous devez aller sur la Bible, mais si il lit tout à l'heure, on fait le commentaire, le cœur va encore se réjouir. Il dit, heureux ce serviteur que son maître, Dieu en nous dit là que vous ne savez même pas quelle est la réserve. Oh, les moqueries qu'on va faire de vous en tant que serviteur, les calomnies qu'on va faire de vous, tout ce qu'on va dire, les mauvaises choses qu'on va dire de vous, gardez-vous seulement à l'esprit qu'il ne faut pas qu'on dise quelque chose de mauvais, que ce soit vrai. Comme l'apôtre Pierre dit, que personne ne souffre comme se mêlant dans les affaires de Dieu, ou bien comme étant voleur. D'accord? Mais si vous souffrez comme chrétien, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc, la seule chose à faire, c'est qu'il faut que je regarde si dans ce qu'on me reproche, si ce n'est pas vrai, si c'est vrai. Les genoux doivent être devant le Seigneur automatiquement. D'accord? Dieu peut permettre qu'il y ait des mouchardages contre toi pour briser quelque chose, pour dépasser à l'humilité, pour t'humilier devant les hommes. Mais quand tu te tournes devant le Seigneur, tu dis, ok, à la position où il est, malgré les accusations des hommes, tu es élevé par rapport à lui. Vous cessez ça. Quand cette femme de Jean chapitre 8 là, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère, elle était en adultère. Vous avez vu un jour l'accusation de Dieu. Vous avez vu l'accusation de Dieu quelque part. Quand elle est quittée là-bas avec la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, elle était justifiée ou elle n'était pas justifiée. Quand elle va voir les gens qui l'avaient accusée, qui l'avaient entourée, la veuve, le Seigneur Jésus-Christ, comment ils auront le regard sur elle? Mépris qu'elle a commis la voilà la femme adultère. Quand cette personne se dit femme adultère, alors que Dieu a dit que je ne vois point d'iniquité, cette personne s'est apportée ses problèmes. C'est pour ça que faites tout et tout pour être quitte avec Dieu. D'accord? Faites tout et tout pour être quitte avec Dieu. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Vous avez vu maintenant, frère? Remarque bien, remarquez, je veux que vous compreniez. Initialement, le travail consiste à être établi sur les gens. La récompense consiste à établir sur les biens. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il a dit clairement qu'il réserve les choses là en haut pour nous. Verset 48. Mais si certains méchants serviteurs qui se disent en lui-même, mon maître tarde à venir, que ça fait depuis longtemps que Jésus a dit qu'il revient. Depuis, il ne vient même pas. Je peux jongler le monde. Je sais, mais d'abord, je connais qu'il est miséricordieux. Si il pêche comme ça, il veut courir, demander pardon. Tu ne sais pas quand il va venir. La Bible déclare, verset 49, s'il se met à battre ses compagnons, soulignez-moi ça, frère. S'il mange et boit avec les ivrognes, soulignez la première partie, s'il se met à battre ses compagnons. Donc, vous voyez effectivement que ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, parlant aux conducteurs aussi, les mêmes exhortations, il dit, voici les exhortations que j'adresse pas aux conducteurs qui sont parmi vous, aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera manifestée. Percez le troupeau de Dieu. L'ordre qu'on lui avait donné, il a donné maintenant aux gens aussi. Percez le troupeau de Dieu qui vous est échu, non pas comme dominant sur eux. Il a compris la leçon de Matthieu chapitre 20. N'est-ce pas? Non comme dominant sur eux, mais comme étant des modèles du troupeau. Non pour un gain. Il a dit ça. Non pour un gain. Mais comme étant le modèle du troupeau. Notez 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Notez cela aussi. C'est ce qu'il vient de citer là. Verset 49 donc. Il ici se met à battre ses compagnons. Donc vous voyez la domination. Faire du mal aux chrétiens. Les gens se plaignent. Les gens se plaignent à d'autres. Il dit à boire avec bois et à manger avec les ivrognes. Il dit quoi? Verset 50. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous y êtes? Allons au chapitre 25, verset 14 et suivant. Puisque nous y sommes, sortons d'ici directement. Chapitre 25 de Matthieu, verset 14 et suivant. On avance. On avance, frère. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Vous avez encore vu? Et leur remit ses biens. Vous avez vu? Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon. Soulignez à chacun selon sa capacité dans votre Bible, frère. Et n'oubliez jamais cela. Donc, les potentialités que Dieu m'a données. Ce n'est pas la même chose qu'il a donné à frère Hervé, ni à frère Achille, ni à frère Donatien, ni à quelqu'un d'autre. Là où tu es fort, je suis faible. Là où je suis faible, l'un est fort, comme ça. Dieu a fait cela pour que l'un et l'autre, nous ayons besoin les uns les autres. C'est pour cela qu'il a fait cela. Remarquez très bien que c'est le maître qui décide, connaissant les capacités de chacun, il décide de donner 5 à l'autre, 3 à ceci, 1 à l'autre. Il dit selon ses capacités, à chacun selon ses capacités. Donc il doit devoir connaître les serviteurs à qui il a été donné. Nous sommes d'accord? Il a donné en connaissance des causes. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 20 qu'on a lu. L'autre ne veut pas dire que pourquoi il a donné 5 à l'autre. Tu ne dois pas dire frère, pourquoi il a donné le don de prophétie au frère junior et que à l'autre aussi il ne donne pas le discernement. Pourquoi il a donné le discernement des esprits à telle personne, pourquoi il ne donne pas ceci? Vous ne devez pas faire cela. Parce qu'il connaît les capacités qu'il a mis, il connaît le plan qu'il a fait pour une autre personne. Ce que vous devez faire et ce que nous devons faire, et ce n'est pas seulement pour nous, pour les autres corps, les membres du corps. Quand vous voyez les bénédictions de Dieu dans un corps, dites seulement Seigneur, merci pour cette personne, ce que nous a donné au milieu du corps. Parce qu'il travaille dans le champ des missions du Seigneur. Quand vous voyez un frère qui Dieu en est d'utiliser d'une façon ou d'une autre, rendons grâce à Dieu pour cette personne et priez que Dieu le préserve et qu'il l'immonde davantage. pour que son nom soit glorifié. Ne commencez jamais à envier les gens en disant, Seigneur, je veux que tu me donnes comme celui-là. Je veux que tu sois comme cela. Je veux que tu sois... Non, non, non. Il n'y aura jamais deux personnes identiques dans le corps de Christ en ce qui est de grâce. Jamais. Il n'y en aura jamais. Parce que Dieu a une infinie façon d'agir avec son esprit. Vous pouvez avoir le don de guérison. Enfin, la Bible parle de plusieurs dons de guérison. Vous pouvez avoir le don de guérison. L'autre a le don de guérison. Celui-ci, il est spécialisé en prier pour le cancer. Toi, tu pries pour n'importe quelle maladie. Les gens ressuscitent, même tu pries, les gens ressuscitent. Un cancer, tu ne peux pas guérir. Lui, il prie, ça guérit. Tu dis, Saint-Esprit, comment moi, je prie pour le cancer de mal, je dois guérir le cancer. Tu as un don de guérison. Don de guérison, c'est plusieurs dons. Vous savez ça, frère? C'est ce que la Bible enseigne. Quand tu as un don de guérison, c'est parce que ça ne veut pas dire que tous les dons, tu peux prier pour toutes les maladies, sont guéris. C'est pour ça que certains pasteurs ne connaissent quand même pas ça. Ils disent que venez avec le sida, venez avec son prix, personne n'est guéri, il est retourné. Après, il doute le don qu'il a. Pourtant, il a prié pour quelqu'un qui avait la fièvre, c'est parti. Il a prié pour quelqu'un qui avait un tumeur, ça a disparu. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il ne comprend pas tout simplement que c'est un don de guérison que Dieu lui a donné. Il faut qu'il s'attelle seulement à travailler dans ce domaine-là. Pour que si Dieu veut ajouter, il ajoute. Mais quand tu commences à lancer le défi au Saint-Esprit, en disant même si n'importe quelle maladie venait, c'est pas comme ça. Si le Seigneur t'a dit de façon spécifique qu'aucune maladie ne doit te résister, alors tu as porté le don de guérison. Alors tu te tiens devant une maladie, la maladie doit partir parce qu'il a dit aucune maladie ne doit te résister. Quand il le dit à une condition. Il y a des conditions qu'il donne. Si tu mets fidèle en tel domaine, si tu as telle chose, il va ajouter. C'est ce que Dieu fait. Vous devez savoir cela. Donc avoir un don de guérison ne veut pas dire que toutes les maladies soient guéries. Vous pouvez avoir un don de guérison, vous priez comme ça là. Les gens qui ont des fibromes, ça sort, pouf, ça tombe. Mais quelqu'un est mort de tête, tu pries, ça ne guérit pas. Tu es étonné que, mais comment je peux prier pour les fibromes, le cancer, ça part, le mort de tête, ça ne va pas. Mort de tête, je vais te tuer. Vous appuyez la tête de quelqu'un, vous secouez comme ça, vous pensez que ça va partir. C'est pas comme ça. Vous devez comprendre ces choses. On doit travailler dans ce domaine, le domaine des dons spirituels. On va avoir des séances ouvertes, on va travailler doucement, doucement. Doucement, doucement dans ce domaine-là. Pour qu'on ne fasse pas les erreurs. Donc, j'ai déjà dit que, en disant ici, il a dit qu'il a donné les talents selon les capacités de chacun. Le fait que Dieu t'a donné le don de prophétie ou bien fait de l'un prophète, n'essaie pas de dire que le Seigneur veut devenir prophète. On ne devient pas prophète. On ne devient pas. La place que tu as en tant que serviteur est prédestinée. Donc, tu dois occuper cette place. Comme il a dit là, cette place a été réservée dans ce match chapitre 20. Cette personne doit, c'est à lui est réservé, il sera là-bas. Ça ne sera pas vide. Jésus a dit que mes brebis entendront, elles viendront, non? Et voilà. Donc, chaque personne a sa place. On a compris cela. Dieu donne les dons à chacun selon la tâche qu'il a destinée pour lui. N'est-ce pas? Alors maintenant, si nous connaissons donc comme dans ces deux personnes que je vous ai dit, c'est ma responsabilité de chercher ce pourquoi Dieu m'appelle. Si Dieu t'appelle là-bas, il y a un don attaché à ce pourquoi il t'appelle. On ne peut pas avoir un service dans un domaine particulier. Vous allez demander un autre don de ce côté-ci. Laissez Dieu faire son œuvre en nous. Le tout, c'est d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui opère toutes ces choses-là. S'il est là, il opère selon sa volonté. Et tu vas commencer à voir au fur et à mesure comment, même s'il ne te le dit pas, tu vas commencer à voir par où il a été conduit. C'est qui se passe le plus. Tu commences à comprendre que c'est le domaine qui veut que tu travailles. Sois seulement obéissant. Surtout, n'envie pas les autres. Surtout, ne permets pas que les brins des ressentiments ou de jalousie ne soient contre notre frère. Parce que c'est le champ du Seigneur. Si le Seigneur a donné un don par ici et un autre don par là-bas, nous on a de travailler pour le même but. N'essayons pas de chercher à nous faire des inimitiés les uns les autres, à nous comparer les uns les autres. Tu penses que le frère là il connaît plus que moi. Ne faites jamais cela. Moi j'ai pris les gens guéris. Il a pris quelqu'un qui est guéri. Ne faites jamais cela parce que le don de guérison c'est un don comme on a dit. Personne ne mérite cela. Tu dis que j'ai pris pour les gens guérissent. Tu peux prier pour les gens guérissent. Lui, il enseigne les gens sont brisés devant le Seigneur et se soumettent au Seigneur. Pourtant, le don de guérison n'enseigne pas les gens. Vous avez vu là où ça, on se trouve là maintenant. Parce que le plus grand en réalité de ces choses-là, c'est l'enseignement. Si tu as l'enseignement authentique qui peut faire quitter les gens d'un endroit faux vers un endroit vrai, c'est la meilleure chose là, frère. Vous savez ça? Ce n'est pas spectaculaire, pas vrai? Ce n'est pas spectaculaire parce que le don de spectacle, c'est pour faire pour attirer l'attention aux gens pour qu'ils viennent au Seigneur. C'est bien. L'enseignement. Fait que les gens quittent de la puissance des ténèbres pour la puissance de Dieu. Par l'enseignement. C'est terrible. L'ignorance. Vous savez que les gens sont dans l'ignorance, ils sont dans la captivité. Essayez de parler pour que quelqu'un en fait se réveille. Et dit, réveillez-vous. Christ, c'est pas ici. Tu montres le chemin à quelqu'un. Frère, c'est merveilleux. Parce que ces choses-là transforment les vies. Donnent la vie aux âmes. Et la Bible déclare, on n'a pas dit, on n'a jamais dit dans la Bible qu'il y a de la joie pour une âme au ciel, pour quelqu'un qui guérit sur la terre. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? On a dit quoi, frère? Donc, vous savez que la prédication, la parole de vérité amène la repentance, n'est-ce pas, frère? Voilà, c'est pour cela qu'on doit veiller sur nous-mêmes et sur l'enseignement qu'on dispense. Donc, ne pensez pas que les dons spirituels sont là. Non, c'est les dons spirituels sont normaux pour accompagner les disciples. Parce que ça montre de quel royaume nous sommes. C'est un royaume de puissance. Nous appartenons à un royaume de puissance. Et on ne doit pas prêcher la parole, ça reste l'être morte comme ça. Parce que l'apôtre Paul a dit que et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. C'est les discours persuasifs et la persuasion, hein, il connaît. Les témoins de Jéhovah ont ça. Les francs-maçons ont ça. Les catholiques, tout le monde peut pouvoir persuader. Qu'est-ce qui fait la différence donc entre le chrétien et les autres religions? C'est que le ciel soit derrière toi pour confirmer que ce que tu dis est vrai. C'est en cela que ça, c'est différent. Parce que le ciel, la personne qu'on dit être créateur des cieux et de la terre, confirme que ce que tu dis est vrai en manifestant ce qu'il a demandé que tu dises que ça doit se faire. Frère, c'est en cela que ça met hors d'état de nuit tous les débats. Vous devez travailler dans ce sens-là. Le royaume est derrière nous, puisqu'ils nous ont envoyés pour faire le travail du royaume. Et par conséquent, si nous sommes dans la ligne où le royaume est derrière nous, il va manifester le royaume. Parce que la Bible déclare, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. D'accord? Il disait donc que toutes ces choses-là, c'est contenu dans le revêtement de la puissance. Dans Luc 4, la Bible déclare que Jésus, revêtu rempli du Saint-Esprit, est parti au désert où il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. C'est Luc chapitre 4. Verset 14, on dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée. Vous avez vu ce qu'il y en a? La renommée. Ça ne peut pas se passer sans le revêtement. Ce n'est pas possible. Il faut le revêtement. Vous êtes prêt pour le revêtement, frère? Vous êtes prêt pour le revêtement? Vous ne serez plus même. Vous ne serez plus même en sortant d'ici. D'abord, dites à même si vous ne croyez pas, même si vous ne croyez pas. Vous ne serez plus même. Vous serez. Oui, vous serez. Vous ne serez plus même. Quel est ce serviteur que le Seigneur a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture? Il dit qu'il donne à chacun ceci, il donne à chacun ceci. Donc, si vous a établi, si vous a appelé, vous a établi, il a donné quelque chose. Il doit donner quelque chose selon sa capacité. Alors, il dit ici, aussitôt, quand il a donné ses capacités, il est parti. On dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, celui-ci a donné raison au Seigneur que le Seigneur avait raison de lui donner 5 talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Vous remarquez que Dieu ne demande pas beaucoup. Il demande seulement que chacun fasse ce qu'il veut de lui. Celui qui a fait 5 n'a pas dit que ouais, je m'en fais 5, il faut qu'il fasse 50. C'est-à-dire qu'il fallait me donner même les 2 de celui-là qui multiplie. Donne même le 1 de celui-là que c'est moi qui multiplie. Non. C'est 5. Produis ce que tu as produit avec le 5. C'est pour cela que le but conducteur, ce n'est pas d'avoir le nombre devant de vous. Le but, c'est d'avoir la qualité de ce qui est là. Ça doit être le but. Vous devez être devant le Seigneur pour servir le Seigneur. Donne-moi de paître tes brebis. De paître tes brebis comme tu le veux. Donne-moi la nourriture nécessaire pour tes brebis. Seigneur, guide-moi. Garde-moi, Père, de l'orgueil. Garde-moi de la mondanité. Garde-moi de la cupidité. Garde-moi de la luxure. Garde-moi de l'impurité. L'impurité, c'est toutes ses formes. Garde-moi. Donne-moi de marcher comme tu veux marcher, Seigneur. Vérifie si mes pieds veulent se glisser sur quelque part, endroit que ce soit, Seigneur. Ramène-moi. Tout ce que je viens de vous dire, frère, je n'ai pas grandi sous la main de quelqu'un. Vous avez la grâce aujourd'hui qu'au moins, par la grâce du Seigneur, vous avez au moins quelqu'un qui peut être à côté de vous. Vous voulez poser une question, vous lui posez. Mes questions, je les pose au Seigneur. Je les pose au Seigneur. Il reste là jusqu'à ce qu'il répond. Il répond, je cours partout dans la maison, je cours partout. Je me cogne au mur comme ça, comment faire au rugby. Je cogne partout là-bas parce que c'est merveilleux tout simplement quand ça vient. Ouais, c'est pour ça que vous voyez, soyez proche, je vais sauver, sauter parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dedans. Surtout, vous allez prêcher, là, ça vient comme ça, il dit c'est telle chose. Vous commencez à sauter seulement parce qu'à l'intérieur, vous ne sautez pas comme si votre ventre va percer. Vous avez au moins maintenant, quand il y a un problème, vous dites, frère, je ne veux te voir parce qu'il y a une situation ici. Je demande à ma femme que, chérie, moi, si j'avais un problème, je demanderais à qui? À qui vais-je demander? Il m'a balloté comme ça là, pour que dans cet balotage que je puisse apprendre maintenant, ce que je peux vous transmettre maintenant. Il a pris l'apôtre Paul comme ça, balloté dans le désert, avec tout cela. Il avait grandi dans le caractère. Il pouvait savoir de quoi il est question. Remarquez ce que l'apôtre Paul a écrit. Remarquez. Vous écoutez, vous lisez la Bible, vous entendez sa voix vous parler. Vous entendez, vous l'entendez parler. Vous l'entendez la rigueur, l'amour qu'il avait pour la détermination. Quelqu'un qui se tenait dans le vaisseau, c'est qu'il veut voir effectivement là où il en allait. Sans risque de se tromper. Il savait exactement ce qu'il est en train de faire. Il vérifiait chaque fois pour savoir ce qu'il est censé faire, si c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il voit effectivement cette révélation, lui est venue dans la prison, qu'on lui a montré la vision de la mort, de sa mort. Quand il a vu la vision de sa mort, il a vérifié tout le temps de sa méditation en attendant qu'on coupe sa tête, frère. Il a passé le temps à vérifier s'il a fait l'erreur quelque part. L'apôtre Paul. Continuons. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, vous avez vu le mot? Longtemps après, le maître de ses serviteurs, donc il n'y a pas un seul serviteur, de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Souvenez, rendre des comptes. Donc vous allez à qui? À Jésus. Voilà. Il va demander à chacun de faire valoir. Donnez-moi le bilan de ce que vous avez reçu. Dis-moi. Verset 20. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. N'est-ce pas merveilleux ça, frère? Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez vu ce qu'on a vu dans le chapitre 24 là, n'est-ce pas? Voici donc ce qu'on appelle le bon serviteur prudent. Le voici. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Dans le ministère, c'est comme ça. Il n'y a pas de ministère normalement permanent et permanent de façon stagnante. Le ministère va progressivement. Parce que Dieu, c'est comme ça. C'est le principe même dans la vie normale. L'enfant ne sort pas du ventre, pam, il a grandi. Non, nous tous ici, nous sommes passés enfants. Nous devons grandir progressivement pour atteindre là où nous sommes maintenant. Et nous sommes en progrès pour aller au finish. De la même façon, Dieu donne le ministère. C'est au fur et à mesure qu'il avance des révélations. Tu es fidèle un peu, il avance. Tu es fidèle, il avance. Tu es fidèle, il avance. Quand il a dit à Nathanaël pour la première fois, il dit que voici un fils de Dieu, un Israélite dans lequel il n'a pas de fraude. Il a dit, qui es-tu? Il a dit que, parce qu'il était dit cela, tu as cru. Il dit que le Seigneur fera encore davantage de miracles si tu verras les choses plus grandes que ceci. Vous voyez, les choses grandes arrivaient. Mais il a commencé par les petits. C'est comme ça avec le Seigneur. Plus on est fidèle dans les moindres détails, plus il avance. Plus il avance. Parce que si tu donnes une grande responsabilité, ça peut te tuer. Il apprend dans les petites choses à avancer. À avancer, à avancer. Il te donne de grandes responsabilités. Si Dieu te donne trois personnes avec qui tu as de gérer la parole, tu ne sais pas maîtriser les trois personnes. Vas-y, te donner 400. C'est qu'un des seuls, tu vas organiser la bagarre entre eux. C'est les deux camps qui vont se bagarrer maintenant. Là. Ceux qui sont pour moi, bagarrer contre ceux-là. Vous avez vu le pasteur bagarrer? Bagarrer vraiment, parce que la dernière fois, à la télévision, on a montré comment on a mis le cardinal. C'est le préfet, les gendarmes qui sont venus mettre le cardinal. Donc, il faut que vous entendiez maintenant. C'est EPC quoi? C'est EPC quoi? Non, c'est EPCK. EPCK plus. On divise maintenant l'église en deux. Ça ne doit pas être comme ça. La guerre des intérêts. Parce que si c'était pour servir les gens, ça courait. On connaîtrait que servir les êtres humains, ce n'est pas facile. Donc on ne courait pas derrière. Normalement, servir, ce n'est pas facile. C'est arrêté parce qu'ils cherchent les intérêts qu'il y a dans ces êtres-là. Plus de francs. Affectez-moi au palace. Vous appelez au paroisse de Makepe. Makeperon pour le oui. Là-bas, les voitures qui gagnent là-bas et maman. Alors il faut qu'il y ait des guerres, des luttes internes pour qu'on affecte les gens là-bas. Pourquoi? Parce que les offrandes entrent là-bas. Il y a les grandes personnalités qui viennent là-bas. Donc le but, ce n'est pas pour servir, c'est pour se servir. Il ne faut pas que ça soit ainsi. C'est pour ça que Dieu donne toujours au milieu de nous les gens qui sont humbles, les gens qui sont les moins nobles. Pas vrai? Ceux qui cherchent de l'argent, qui continuent à chercher. Parce que ceux qui cherchent de l'argent viendront imposer leur rythme, montreront leur orgueil. Ils ne peuvent pas se prosterner pour prier parce qu'ils ont de l'argent. En fait, ils n'ont pas besoin du Seigneur. Ils ont besoin de se montrer. Dieu ne veut pas ceux qui veulent se montrer. Dieu veut ceux qui ont soif de lui, ceux qui ont faim de lui. C'est ceux-là donc que nous allons chercher pour présenter au Seigneur. C'est cela donc que vous deviez chercher pour présenter au Seigneur. D'accord les frères? Voilà. Ne servez jamais. Jamais. Je suis en train de parler, il y a une vision qui m'est venue là. J'étais en train de regarder cela. Il faut que je capte cette vision. Ne servez jamais. Je vais parler sur ce que j'ai capté la vision. C'est là, c'est positionné là. Ne servez jamais quelqu'un par motif de conscience. n'y a pas de motif de conscience, ça veut dire que il ne faut pas que tu... C'est ça. La vision concerne ces choses que ça ne parle, mais il faut que ça soit arrangé. Je crois que quand il veut bien parler, ça va sortir. Ne servez jamais, n'allez jamais par intérêt pour servir les gens. Ne servez jamais par intérêt. C'est-à-dire, par exemple, que... Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ne servez jamais quelqu'un par intérêt. Vous voyez, j'arrive là maintenant, d'accord? Pour que quelqu'un qui entre, qui a quelque chose, on le serve différemment par rapport à l'autre qui n'a pas quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'une des raisons pour en quoi consiste la vision au commissariat. D'accord? Voilà. C'est en cela que consiste cela. Nous sommes de l'armée. On ne doit pas tolérer ces choses. Si vous êtes fait pour diriger, vous n'allez pas entendre prendre de l'argent devant quelqu'un pour faire n'importe quoi. Maintenant, quand quelqu'un prend de l'argent, on te donne de l'argent, quelqu'un te donne des considérations, tu vas te comporter différemment. Tu te souviens de cette vision? C'est en cela, premièrement, que ça consiste. Il ne faut pas que cette corruption entre au milieu de nous. Donc, l'acception des personnes. C'est pour cela que dans ces genres, tu as dit quoi, frère? C'est un bon conducteur, ça. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Il ne faut pas qu'il y ait cela. C'est pour cela qu'il n'y a pas de tenue des chrétiens. S'il y avait une tenue, c'est que ça devait être grave. S'il y avait une tenue. Si les gens pouvaient venir avec les attributs, c'est que tu vas voir un colonel, là, tu ne peux plus parler. C'est que tu vas chaque fois lui regarder les deux ballons, cinq bateaux avec deux étoiles vont t'effrayer. Alors comme tout le monde est comme ça, tu dis frère. Pas vrai? Si le gouverneur est là, tu dis frère, tu vis dans le péché si Dieu va te juger. Lui-même il bouge là sur la chaise comme ça. Si tu es chef et si tu diriges quelque part, tu fraudes, Dieu va te frapper parce qu'il y a un frappe. Tu peux l'en dire maintenant avec assurance. En fait, de toute façon, que ça soit, qu'il soit là, que le président soit là, que le gouverneur soit là, avec les attributs. Moi, je prêche, je ferme mes yeux, je prêche. Vous savez ça? Oui. Donc faisons attention. Donc Dieu va nous faire rendre des comptes. Dieu va vous faire rendre des comptes. Regardez également ce qu'on a lu là-bas. Il donne les talents selon les capacités de chacun. Et si vous êtes appelé, il n'y a pas d'appel sans don. C'est ce qu'il a de nous révéler. Et ce don-là correspond à la capacité qu'il connaît en toi. Et par conséquent, nous ne devons pas envier, ni jalouser le don et les grâces de chacun. Parce qu'en réalité, la personne n'a pas fait pour mériter. Tu n'as pas fait rien pour ne pas mériter. C'est le don des grâces, c'est l'appel, c'est Dieu, c'est de lui seul que ça dépend. Amen. Donc quelqu'un travaille pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Quelqu'un fait l'erreur, tu dis, oh Seigneur, soutiens-le. Vous entendez ça? Et même, nous devons donc amener dans les brebis du Seigneur. Voilà, c'est cela que nous prions pour les frères dans le monde entier. Ne les connaissons pas. Nous les connaissons dans l'esprit. L'apôtre Paul dirait donc dans 1 Corinthiens chapitre 5 que vous n'étant pas présents en chair, mais présents en esprit, avec vous réunis en esprit. Donc nous sommes unis dans l'esprit. Lorsque les chrétiens sont touchés dans le monde, nous sommes touchés de la même façon. Parce que c'est le corps. Si l'église tes orteils, tout le corps est au courant. C'est ça, n'est-ce pas? Tout le corps est au courant. Donc les mêmes souffrances que nos frères subissent dans le monde, nous subissons la même chose. C'est ça que vous voyez sur l'Internet, quand on insulte tel frère, on dit les mensonges de tel frère, ça me prend à cœur. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas entrer à l'intérieur, mais je ne sors au sol, je prie. Parce qu'il sait que Satan est en plein milieu pour créer le désordre. Mais le Seigneur va entrer en milieu. Le Seigneur arrive. L'heure arrive où les gens vont tomber par le Saint-Esprit. Tomber. Par la carte, quand on tombe, on vibre. On tombe, on meurt. Ça fait que chacun garde sa langue en bris. Donc faisons attention. Présentons les gens devant le Seigneur. Donc sur ce plan-là, donc, je vais dire pour vous et pour toi également. Lorsque vous avez fixé le programme, vous dites, nous nous réunissons samedi et mercredi pour vous et pour toi vendredi. Et que c'est à 18h, vous les conducteurs, vous avez beaucoup plus de travail devant le Seigneur que les autres. Sachez que vous aurez tous style de brebis. Des gens qui sont sortis de backgrounds différents. D'autres qui n'aiment pas la lecture. D'autres qui n'aiment pas prier. D'autres que si tu pries trop, il va bailler. D'autres, vous devez savoir toutes ces choses-là et les présenter devant le Seigneur. Et par conséquent, votre travail spirituel aidera ceux-là pour grandir. S'ils sont nonchalants, vous êtes nonchalants, Satan va envoyer les démons avant de vous saccager. Souvenez-vous cela. Il va envoyer parce qu'à chaque église locale est assigné des démons qui suivaient pour savoir si ceux-là sont de marcher d'après la volonté de Dieu. Et si vous voulez marcher d'après la volonté de Dieu, leur but c'est de créer les désordres. C'est pour cela que l'autorité de Christ est donnée au conducteur pour cela, pour châtier les armes offensives et défensives. C'est pour ça que c'est donné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, ils peuvent donc venir s'asseoir. Ils parlent de ces esprits-là au milieu de l'église. S'il n'y a pas ce discernement, s'il n'y a pas de sérieux dans le Saint-Esprit, ça c'est dans le corps. Ils effusent les lourdeurs dans les gens, les incompréhensions, les choses qui se passent. Je tente d'arranger un enseignement ici, je tente de parler, je ne sais pas de quoi il parlait. Je tente d'arranger un enseignement parce que quand les enfants pleuraient, j'ai vu un enfant pleurer, dit ça. Je tente d'expliquer quelque chose, que les esprits sont là pour faire telle chose. Un enfant pleurait, oh, le Saint-Esprit me dit que ici, allez où tu as de parler, un esprit l'a animé à parler pour que, pour empêcher les gens d'entendre. J'ai appelé ma famille, dit, est-ce que tu es suisse ce que le Saint-Esprit dit là? J'ai dit, regarde, écoute ça. Je tente de parler dans cet enseignement, à cet endroit, je tente de parler exactement que ils sont là, pleins, ils nous écoutent. Dieu dénonce leur plan, ils font un enfant fait waouh, waouh. Il dit, mais c'est quel enfant qui pleurait comme ça? C'est un esprit qui l'a affrayé pour pleurer. Vous voyez comment ça peut se passer, frère? Donc, il peut faire n'importe comment pour distraire que les gens n'entendent pas. Vous devez veiller. Donc, je dis donc, vous, vous dites, nous travaillons les dimanches, les samedis à 16h, mercredi à 18h. Faites l'effort, vous soyez là avant. Vous devrez être là normalement avant tout le monde. Avant tout le monde, vous vous mettez à genoux, vous priez pour ceux qui sont en route, vous priez pour ceux qui sont là. Sachez que vous servez le Seigneur, ce n'est pas pour un homme. Vous servez le Seigneur, priez pour eux à genoux, priez, vous priez à genoux. Demandez-le avec amour d'être rigoureuse. Si vous voyez vous êtes rigoureux, on voit que vous êtes à l'heure, ils vont venir à l'heure. Vous avez vu comment les gens ont remarqué que depuis un mois, quand j'ai commencé à venir là, comme ils venaient à l'heure, chacun venait vite, non? Parce qu'ils que s'ils ne viennent pas vite, ils vont venir que les choses sont terminées, pas vrai? Alors ça pousse les gens à venir. Mais quand ils savent qu'ils vont venir une fois, deux fois, trois fois, ils vont attendre 2 heures de temps qu'on vienne, ils disent que le conducteur avait vient souvent vers 19h30. Donc, m'avait venu vers 19h30. Il vient souvent vers 19h que tu venais, toi-même tu venais d'entrer. Ce n'est pas normal, soyons sérieux avec le Seigneur. Parce que les réunions mondaines, les gens le font avec sérieux. Si les gouverneurs, les préfets, les chefs du quartier donnent les réunions, on partage les bulletins qu'on veut voir les membres du quartier se réunir à telle heure, les gens font tout pour venir. Parce que vous venez après ça, il n'y aura pas les réunions, vous n'assisterez pas à la réunion. C'est pas ça. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus ici, pas vrai? Soyons sérieux, soyons conséquents. Et par conséquent, avant ces jours-là de venir, vous devez passer le temps dans les jeunes et dans la prière pour chercher sa face. Ne sortez pas de temps. C'est que tu sors, tu pars, comme tu conduis la voiture, tu t'arrives par là-bas, tu prends le dernier client, tu dis que non. Le client a quand même payé trop, c'est faut que laisse là-bas avant d'arranger. Tu reviens, tu viens t'asseoir au milieu de l'assemblée. Tu te souviens de son ancien, tu fouilles la Bible d'un ancien truc que tu avais préparé, tu donnes. Faites attention, parce qu'il a dit que c'est la nourriture spirituelle autant convenable. C'est autant convenable. Si tu juges que le tasse que tu as de faire pour survivre est plus nécessaire par rapport aux âmes du Seigneur, tire toi-même la conséquence de ce qui peut t'arriver. Tire toi-même la conséquence de ce qui peut t'arriver. Parce que si tu t'occupes des choses du Seigneur, il va s'occuper de toi. Si tu t'occupes des choses, il peut t'occuper de toi et il s'occupe. Je suis un témoignage et vous n'êtes pas, vous êtes au courant de ce qui se passe. On est d'accord, n'est-ce pas? Vous savez cela, pas vrai? Voilà. Vous êtes au courant comment il fait avec moi. Il va faire la même chose et même bien, plus bien que vous. Donc, ne laissez pas les choses, les grâces qu'il vous a données, vous éloigner de l'objectif. Il faut qu'à un moment donné, vous savez, vous sachiez que voici les intérêts du Seigneur. Si c'est pour moi, c'est pour me faire vivre. Je préfère, souvenez-vous, l'amour pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur. Je laisse d'abord ceci. Je n'ai pas fait l'œuvre du Seigneur. Ceci va attendre. Vous avez la grâce que vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Vous travaillez pour vous-même. Donc, vous pouvez fermer ce que vous avez en train de faire pour l'amour pour le Seigneur, pour servir. Vous venez même si il y a une personne, vous donnez la nourriture qui est convenable pour cette personne-là. Le Seigneur sait de quoi il est question. Il t'aura communiqué cela. Donc, ne cherchez pas les anciennes choses là où vous avez enseigné les anciennes, tout pour venir cliquer. C'est pour cela que ma Bible finit. Vous savez, c'est ma troisième. Je ne sais pas combien de Bibles j'ai dans lui maintenant. C'est, l'autre, c'est la troisième principale Bible. Les deux autres, vous connaissez la grosse. C'est là-bas dedans. Il ne lit pas cela. Ceci va finir. Il y a l'autre qui est là-bas. Il va prendre ça pour lire. Quand il sera fini, il va déposer là-bas pour avoir la nourriture qui est autant convenable. Ne cherche pas les anciens. Tu viens. Ok, comme ça, arrête là, je prends là-bas. Souvent, tu viens même quand tu as oublié la Bible. Pas vrai, Frère Jimmy? Tu commences à chercher le Nouveau Testament, le petit là. N'est-ce pas, Frère Jimmy? Tu sors ça de ta poche comme ça. Tu sors, tu essaies comme ça. Vérifie Jimmy, mais il n'y a pas Jérémie là-dedans. Pourquoi? Parce que là, il est parti, il n'est plus passé à la maison pour rentrer. Parce que s'il est passé à la maison, pour faire là-bas, il dort. Et son sang n'est même pas là-bas. Tu vois là où ça se trouve? Ça, c'est l'immaturité. Et cette immaturité fait l'état à 5 jours. Ça tombe, on tombe dans la négligence de la chose de Dieu. Prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux, sachant de qui l'on aura reçu. Si tu sais que, si tu sens dans ton cœur que Dieu ne t'a pas appelé, d'abord, tu ne peux plus fuir. Je dis que tu ne peux plus fuir. Tu vas faire comment là maintenant? Donc, il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Les samedis comme vous avez fixé, les mercredis comme vous avez fixé, il faut qu'une heure de temps avant, vous soyez là. Si vous êtes et qu'il commence à bouleverser maintenant qu'on va se réunir chaque jour, tu vas faire comment avec ton truc là? Tu vas faire comment? Et si dit qu'il y a grève maintenant qu'on ne travaille pas, tu vas porter ta soupe, tu vas forcer les gens d'entrer. N'est-ce pas, tu vas venir que bien aimé le Seigneur, on va prier maintenant parce qu'il y a la difficulté. Il faut qu'on soit fidèle au Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible, quand ils étaient dans la tribulation, c'est à cause de leur fidélité que Dieu les a tenus. Si vous négligez, si nous négligeons l'œuvre du Seigneur comme ça, quand nous sommes dans la difficulté, nous allons invoquer qui? Hein, frère? Quand tu négliges dans le Seigneur comme ça, tu négliges le Seigneur. Quand il y a une difficulté qui se pointe à l'horizon, tu vas invoquer qui? Tu vas voir que tu vas chercher le secours ailleurs, n'est-ce pas? T'appuyer sur le... Un frère du mur, tu vas chercher le secours ailleurs. Pourtant, regardez Daniel. Daniel Maguet qui travaillait, on dit, ne le louez pas, il n'est pas dans la chambre, il a de le louer. Le roi lui dit que puisse ton Dieu que tu sais continuellement, puisse te délivrer. Donc ça veut dire ici, ce n'est que Dieu qui peut le faire. S'il était dans la nonchalance et qu'il trompait les gens par la, les façades religieuses, s'il faisait ces choses pour être vu des hommes, tu penses que Dieu serait venu à son secours? C'est à cause de son intégrité, de sa fidélité, de son endurance et tout ce qu'il faisait devant Dieu continuellement. Servant Dieu continuellement, de toute notre force, toute notre pensée, toute notre détermination, ça doit être pour nous servir. Le reste de notre vie. Vous ne savez pas ce que quand les pères, les papas qui servent Dieu, là, qui servaient Dieu, là, vous voient quand ils vous voient ce qu'ils font. Ils louent Dieu pour votre vie. Vous ne savez pas. Ils louent Dieu. Parce que beaucoup d'entre eux ont connu le Dieu tard. Beaucoup reconnaissent qu'ils ont fait les erreurs, mais c'est très tard, un peu plus se rattraper. Ils regrettent donc que si Dieu pouvait leur donner notre jeunesse, ils feraient ces choses. Donc quand ils vous regardent comme ça, ils voient effectivement que tu as la venue devant toi, comme tu as cru tôt, vous pouvez bien faire ça pour le Seigneur. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc servons le Seigneur avec le temps qui nous reste. Servons le Seigneur. Souvenons-nous, paix mes brebis, paix mes agneaux. On sert le Seigneur en s'occupant de ses brebis, en faisant ce qui doit être fait pour ses brebis, que ses brebis soient épargnées. D'accord? Un bon conducteur est celui-là donc qui peut donner sa vie pour les autres, qui peut satisfaire les autres au détriment de sa propre vie. C'est un bon conducteur. Il ne parle pas de coup de leadership, être leader, non. Leader, c'est pour le monde. Je parle de conducteur au sens biblique du terme. Celui qui donne sa vie pour les autres. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. La Bible nous enseigne que si le Christ nous a aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres comme ça. Nous devons donner nos vies aussi comme ça pour les autres. Pas que tu partes te tuer à la croix, non. N'essaie pas de mettre le coup pour essayer de clouer, pour faire que ça fasse, non. Ta subsistance, ce dont ta vie en dépend, ce dont ton âme en dépend, tu fais que l'autre soit à l'aise. Vous devez faire cela. Vous devez faire cela. Vous connaissez mon témoignage, je n'ai pas besoin de raconter toutes ces choses-là. Vous les connaissez. Suivez les exemples. La Bible dit, suivez les exemples que vous avez devant vous. Suivez les exemples. Ne demandez pas qu'on vous loue. Ne demandez pas qu'on se prosterne devant vous. Soyez tout simplement esclaves du Seigneur. D'accord, les frères? Fermez la Bible, je vous laisse une pause de 5 minutes et puis j'avance.